avance, avance, avance. Avance, avance, avance, avance, avance. Dans cette jungle, fais-toi confiance. Pense que les anges sont dans la danse. Ils connaissent la métrique, te protègent, donc réplique. Cette métaphore est technique. Reste fort, authentique. Tête haute et sereine, dégage-toi de leur haine, dite merdique. Aime ton prochain, ta prochaine, sans refrain et sans peine. Shalom, paix et salem, danse frère, car nous on t'aime. Juste briser tes chaînes, juste brusquer leur thème. Juste priser qu'on s'aime, pétale de rose et plus de chrysanthème. Avance, avance, avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance, avance, avance. Sur le fil du rasoir, père, mère, où va l'histoire, sœur, frère? Où va l'histoire, où est l'espoir, repère? Où est l'espoir dans un trou noir en clair, en terre, en verre? Six pieds sous terre, il sera trop tard. Avance, avance, avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance, avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance, avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance, avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance, avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Dans cette ville paisible, dans ces rues tranquilles, une chose terrifiante, une chose horrifique va arriver. Yeah, and McKenna. We are old. We are young. We are America. Oh, oh, General General, so avec vous! Climate change, destruction of the Earth's surface, and population growth are leading us to a tipping point. Parler sans se mordre les joues, sans tordre ses genoux, à voix haute et posée. Tenter de ne pas suivre le vent qui tourne tout le temps, mais son cœur régulier. Donner sans jouer double jeu, les yeux au fond des cieux, ce que l'on peut donner. Aimer sans jamais déguiser, sentiments et pensées, comme ces fruits trop sucrés. Être sincère, la la la, la la la, la la la. Sans faire de détour de mystère, oser être sincère, la la la, la la la, la la la. Tout se dire ou se taire, tout se dire ou se taire. Pour s'aimer soi-même et ne jamais se fuir. Lui dire sans farer, sans détour, sans faire de grands discours, le meilleur comme le pire. Tomber et le masque et le voile, même si ça doit faire mal. Et lorsqu'il est tombé, laisser couler l'eau sur nos joues et le flot jamais flou de nos lèvres blessées. La la la, la la la. Sincère, je veux être sincère. La la la, la la la, la la la. Tout te tire ou me taire. Bonsoir chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, le vendredi soir, vous le savez, à partir de 19h, c'est l'émission de Mavrika. Aujourd'hui, c'est l'édition numéro 674. Le temps passe vite, on a fait énormément d'émissions et chaque fois, c'est un plaisir de retrouver des artistes parce que les meilleurs artistes viennent dans le studio de Radio Arc-en-Ciel. C'est pour ça que ce soir, on a un superbe groupe qu'on va découvrir ensemble. Alors, depuis quelques temps, on avait reçu, je remonte jusqu'au Butterfly, on a reçu les Butterfly qui avaient fait la première partie du groupe Sika lors de la du concert événement pour la sortie de l'album de Sika. On a reçu aussi Mélanie Dis, une chanteuse que je connaissais depuis longtemps mais qui n'était jamais venue dans l'émission Marika. Bah, ça a été justement l'occasion de la découvrir et puis de découvrir son album qui s'appelle Sincère, dont on a écouté un morceau tout à l'heure. Tout à l'heure, je présenterai aussi les morceaux qu'on a déjà diffusés. On a aussi reçu Axel de la Paix, hein, avec lequel on a passé beaucoup de temps et il nous a donné beaucoup d'explications sur le rap parce que effectivement il avait des références que nous on n'avait pas forcément et finalement on s'est rendu compte que il y avait pas mal de choses qui étaient très très très bien. On a écouté d'ailleurs un morceau aussi. La semaine dernière c'était le groupe Moderne qui était dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. La semaine prochaine on recevra ici un groupe qui nous vient de Lille, spécialement pour l'émission Marika, c'est le groupe Nightfall District. Au mois d'avril, on a calé quelques trucs aussi, parce qu'au mois de mars, il y aura une petite coupure, ça sera mon ami Didier qui prendra le relais, qui fera des émissions Marika pendant mon absence. Et au retour, on a déjà calé pour le mois d'avril Lonson Sonic Watson. On a aussi Honoris qui viendra le 10, donc Lonson Sonic Watson, c'est le 3 avril. Honoris, ça sera le 10 avril. Et puis après, on a encore plein de trucs à caler. Et étant donné qu'on a beaucoup de demandes pour venir dans l'émission Marika, je vais quand même vous avouer une chose, c'est qu'on reçoit à peu près 3 demandes par semaine et on fait une seule émission. Donc il y a plein de gens qui sont en attente. Mais un jour, ça arrive. Et c'est le cas pour le groupe que nous recevons ce soir. Ce soir, nous recevons le groupe Dirty Kitten. Voilà, on va tout découvrir sur leur univers. On est ensemble jusqu'à 22h. Ils ont un album en plus qui est là, donc on va l'écouter. Je vais le découvrir en même temps que vous. Hein, et on va essayer de passer, de leur poser les bonnes questions pour connaître tout leur univers. Voilà, on est ensemble jusqu'à 22h. C'est l'émission Marika. Et depuis le début de cette émission, on a écouté de la bonne musique. On a écouté Johnson Concord, un groupe qui n'existe malheureusement plus, que j'ai eu la chance d'interviewer, mais le chanteur étant décédé. Aujourd'hui le groupe n'existe plus, mais il nous a laissé un très bon souvenir, ça s'appelle We Know Who You Are. Juste après on a écouté Axel de la Paix avec acoustique, hein. Donc je vous avais dit le rappeur sur de la musique acoustique, hein, accompagné à une guitare. On a écouté aussi Mélanie Dis avec Sincère, tiré de l'album du même nom qu'elle est venue nous présenter. On vient d'écouter à l'instant Moderne avec The Journey et on va écouter le morceau Red des Butterflies. On est ensemble jusqu'à 22h, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz et vous pouvez aussi nous écouter sur radio-arc-en-ciel.com. Sweet embrace. of slipping. And oh yeah, desire for alcohol is strong. Wine has gone again. Wine has gone again. Ça fait plaisir d'écouter de la musique aussi tranquille. Hein. C'est vraiment cool pour commencer cette soirée du vendredi 13. Hein, vendredi 13, aujourd'hui, j'espère que c'est un chiffre qui va vous porter chance. En tout cas, nous avons ici dans les studios des invités. On vient d'écouter à l'instant, c'était le groupe Les Butterflies avec Red, un groupe que nous avons eu l'occasion de recevoir il y a quelques semaines dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour découvrir leur travail. Donc si vous voulez, ça vous intéresse vraiment de les écouter, vous pouvez forcément les retrouver. Déjà, alors il y a le programme de l'émission Mavrika qui est sur le Facebook de l'émission Mavrika. Vous allez sur le mur, vous avez tous les groupes que nous allons écouter avec leurs morceaux. Et justement, il y a un lien, vous cliquez sur le nom du groupe et vous allez sur leur page à eux et vous pouvez découvrir ainsi leur univers. Voilà. Ce soir, nous avons ici dans nos studios un groupe qui nous vient de la région centre. On va leur demander exactement d'où ils viennent. Il s'agit du groupe Dirty Kitten. Ils sont là dans les studios et on va les accueillir et on va leur poser les bonnes questions. Bonsoir les Dirty Kitten. Bonsoir. C'est bien, je prononce bien, non? Oui, c'est bon. Voilà, j'ai peur parce que moi l'anglais, j'ai pas tout à fait le bon accent, mais bon, j'arrive à le comprendre, mais les Anglais me comprennent pas, c'est ça le problème. Voilà. Le groupe, il est au complet ce soir, hein, donc un groupe de 5 personnes. Et c'est la première fois que vous venez dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, mais par contre, il y a au moins un membre qui est déjà venu dans les studios et dans l'émission Mavrika. Il s'agit de Bob. Tout salut. Fait. Bonjour. Alors, c'est toi qui m'a parlé du groupe. Moi, je le connais. Je ne sais pas, tu me l'as fait découvrir, donc je me suis un petit peu intéressé. Et puis là, ce soir, en plus, tu vas nous faire découvrir, vous allez nous faire découvrir l'album, un EP. C'est un EP ou un album déjà? 6 titres, c'est un peu entre les deux. Hein. Ouais, justement, techniquement, on est plutôt sur un album, mais on ne veut pas le considérer comme tel, parce que l'album, pour nous, est vraiment une finalité. Donc là, voilà, c'est notre premier projet qu'on sort, donc on préfère dire qu'on est sur un EP. D'accord. Parce que normalement, je crois qu'il y a une question de temps. Je crois que c'est 21 minutes. Au-delà, ça passe. C'est un LP. En dessous, c'est un EP. Ouais. Normalement, un album, c'est à partir de 6 titres et 24 minutes, je crois. Ah donc, ouais. Nous, on est pile dedans. Donc vraiment 6 morceaux. Donc c'est vraiment entre les deux, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez pas l'appeler album, c'est que plus tard, vous allez peut-être en sortir un. Avec une dizaine de morceaux, 10, 12, 13, 14. Ah, c'est prévu, pas peut-être, pour tout de suite, mais... Peut-être 13, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi 13, et c'est vous qui êtes là dans l'émission Mavrika. Donc, j'espère que ça va vous porter bonheur. Je vais te demander de présenter les autres, hein, parce que, alors là, le souci, c'est qu'on est dans un petit studio, il y a 4 micros, et vous êtes 5. Eh oui. Donc on va essayer de se débrouiller comme ça. Et il y a que 4 aussi. Donc bon, on va se débrouiller. Donc je te laisse présenter les autres, ou alors ils se présentent eux-mêmes, comme vous voulez. Hein. Salut, moi c'est Will, je suis le bassiste de Dirty Kitten. Salut, moi c'est Jeanne, je suis la chanteuse et fondatrice du groupe. Très bien. Salut, moi c'est Ryan, je suis le pianiste du groupe. Salut, moi je suis Bob, je suis le batteur et le booker du groupe. Bonsoir, et moi c'est Maël, le guitariste du groupe. Très bien, donc 5 personnes. Le groupe existe depuis combien de temps? Alors c'est un peu mitigieux, parce que dans cette forme actuelle, le groupe existe depuis avril 2025, mais on avait déjà commencé avant avec d'autres musiciens. Le groupe s'est créé en fait à partir de mes compos, donc en 2023. Du coup, j'avais sollicité d'autres musiciens, mais il y avait déjà à l'époque Bob et Will qui étaient présents. Et en fait, on a eu plusieurs changements de personnes, tout ça. Et du coup, il a eu sa forme actuelle en avril avec Ryan et Maël. D'accord, donc là, c'est la forme définitive ou il y a encore des changements? On espère. Ah, c'est vrai que c'est pas évident toujours de trouver les bonnes personnes. Il peut y avoir des très bons musiciens, mais qui s'adaptent pas forcément au style de musique. Ou inversement, quelqu'un qui aime bien le style de musique, mais il est pas très bon musicien. Et vous, il faut quand même trouver les bons. Donc là, les 5, en principe, c'est les bons, quoi. Ah, ils sont très bons. Ils sont très bons. Très bien. C'est très bien. En plus, j'ai écouté un petit peu les morceaux. C'est très bien enregistré. Et puis, je crois que les auditeurs vont se faire plaisir en écoutant l'émission Mavrika. Donc, le groupe existe depuis 2023, mais sous cette forme, c'est depuis quelques mois seulement. Finalement, ça passe très vite. Mais alors, comment vous avez fait le groupe? Le groupe, vous aviez déjà des morceaux. Donc, c'est toi, Jeanne, qui écrit les morceaux? J'avais quelques morceaux. Donc j'apportais les bases des morceaux et puis ensuite on arrangeait ça tous ensemble. Et puis au fur et à mesure, et surtout depuis qu'on est en formation définitive, chacun a vraiment plus pris part à la composition et les derniers morceaux sont complètement composés tous ensemble. Et du coup c'est devenu un vrai groupe à part entière. Très bien, donc finalement c'est un travail que vous faites à tous, hein. Même si toi tu amènes les premières pierres, après c'est tout le groupe qui construit au niveau de la musique, au niveau des paroles. Comment ça se passe? C'est d'abord les paroles, d'abord la musique? Normalement, j'amène plutôt Avant, j'amenais en tout cas les paroles et une grille, donc les accords et quelques idées. Et aujourd'hui, on commence vraiment tous ensemble en répétition, donc j'écris des paroles au fur et à mesure. Ça peut partir d'un riff de basse ou peu importe. Et puis, bah, on fait tous ensemble. C'est comme ça vient. D'accord. Donc, vous avez choisi comme langue pour interpréter vos morceaux l'anglais, c'est ça? Oui. Uniquement? Il n'y aura pas de morceaux en français ou en espagnol ou en allemand, pourquoi pas? C'est pas prévu pour l'instant. C'est pas prévu. Donc l'anglais, c'est une langue qui vous semble évidente pour votre style de musique, c'est ça? Complètement, oui. Très bien. Voilà, vous avez des morceaux, vous avez commencé à faire les morceaux et tout ça, vous répétez tous les combien? Parce que ça, j'imagine, c'est du travail, etc. Surtout avec 5 membres, c'est pas toujours évident de les avoir tous en même temps. Sachant qu'on est pour certains encore en études, ouais. Donc ça, c'est compliqué de trouver des emplois du temps qui fonctionnent ensemble. Mais en soi, comme on est tous à fond dans le projet, on essaie toujours de pouvoir faire comme au mieux, quoi, de faire des mots d'excuses pour certains, pour prioriser la fac, oui. Voilà, on priorise ces choses-là. Mais et puis aussi on marche beaucoup, de plus en plus avec des résidences, donc sur une longue durée prévue à l'avance, qui permet de pas être pris au dépourvu et voilà quoi. D'accord, donc ça vous pouvez prévoir des congés, des choses comme ça pour se retrouver en résidence et là vous bossez à fond. Vous êtes plutôt un groupe qui aime bien bosser ou alors vous aimez bien aussi passer du bon temps ensemble, même si des fois la répétition est un petit peu à la rigolade et... Sur les moments de répétition en soi, même si c'est toujours il y a toujours une bonne vibe et tout ça, on travaille beaucoup. Vous êtes très beau, mais par contre, moi je considère que le groupe, c'est pour ça que c'est la forme définitive aussi, c'est un peu une petite famille maintenant, donc finalement on se voit très souvent en dehors et tout ça. Ça permet de créer une vraie solidarité. Et en fait, ça permet aussi de pouvoir s'élever musicalement derrière, en fait, de tout cette soudée comme ça. Voilà. Mais sur les moments de répétition, je trouve que ça quand même, ça bosse bien, quoi. Et ça bosse très sérieusement. Moi, je vois que vous bossez bien, puisque là, ce soir, vous m'amenez déjà un CD, hein, un CD avec 6 morceaux qui ont été enregistrés. Donc, il a fallu les composer, il a fallu les travailler, il a fallu les enregistrer. Donc vous avez déjà fait un bon boulot, je pense. Hein. Donc en quelques mois, hein, donc ça fait pas encore un an, tout à fait, hein, c'est ça. Déjà vous amenez un produit qui est fini, ça veut dire que vous avez quand même bien bossé, quoi. En vrai, carrément. Et puis surtout pour Ryan et Maël, quoi, qu'on a pris le répertoire déjà existant il y a en avril dernier, ouais. Pour une tournée en juillet. Ouais. Donc ouais. Et ensuite on a recréé des morceaux ensemble, voilà. Mais donc moi je trouve que vraiment bravo les gars encore une fois pour avoir travaillé aussi vite et assez rapidement. Puis bravo à tout le monde aussi, hein, on est tous travaillés. Mais... Ouais, la joie que vous avez bien bossé parce que bon déjà vous êtes tous musiciens, vous avez tous des formations, non, ou comment ça se passe? Oui. Ouais, parce que pour le langage, c'est beaucoup plus simple quand on s'envoyer des partitions, des choses comme ça. Alors qu'il y a des gens qui sont autodidactes et qui connaissent pas, ils savent pas forcément lire et écrire la musique. Donc ça permet de communiquer beaucoup plus facilement entre vous déjà. Et puis après, apparemment, vous êtes pas avare au niveau du travail. Et vous m'avez parlé. Donc il y a déjà un enregistrement. Alors on va déjà parler de l'enregistrement. L'enregistrement, il a été enregistré où? Alors c'est chez Fabien Tessier au studio Train 28. D'accord. C'est une petite heure de Tours. Ouais. Donc c'est un studio professionnel avec donc Fabien qui est extraordinaire, qui est très compétent, qui est hyper sympa, qui nous a aidés sur tout l'enregistrement. Il était vraiment là pour nous accompagner, nous conseiller sans déformer ce qu'on fait et ce qu'on joue. Voilà, donc on a pu loger au studio, donc pareil, c'était pendant une semaine. Que du kiff en fait. On a vécu ensemble, on a mangé, on a bu, on a fait voilà, la vie finalement. Ouais. Donc voilà, c'était une semaine d'enregistrement intensive mais très très plaisante. Très bien, donc en une semaine vous avez enregistré 6 morceaux, donc ça fait presque un par jour. Ça s'est passé comme ça, un par jour, ou est-ce que c'était, on fait la capture de la basse pour 2-3 morceaux, après la batterie, je sais pas exactement comment ça s'est passé. Alors on a commencé par la batterie, puisque l'installation c'est la plus longue, parce qu'il y a énormément de micros dessus, donc on commence par la batterie, on fait la basse en même temps. Oui, on fait la basse en même temps. On fait tous les instruments pour avoir ce qu'on appelle une piste témoin, donc pour savoir à quoi va ressembler la musique dans sa finalité. Ouais. Et puis après, on fait ce qu'on appelle le re-re. Donc, la basse, on a quasiment tout gardé, je crois, de ce qu'on avait fait ensemble. Il est bon, donc, donc voilà. Mais après, on a recherché au niveau des sons, des sonorités, pour le piano, pour la guitare, même pour la voix, on a cherché au niveau des micros, etc. Donc voilà, ça s'est fait un peu étalé. On n'a pas tout fait en même temps, ou pas un morceau par un morceau. Donc, comme ça s'est bien passé, est-ce que vous retournerez à ce studio ou est-ce que vous avez envie de changer à vrai? On a déjà prévu d'y retourner en février prochain. Ouais, parce que effectivement, pour trouver le bon ingé son, le bon matériel, et puis quelqu'un aussi qui connaît un peu votre musique, parce que des fois il y en a certains qui sont spécialisés dans un style de musique, d'autres dans un autre, et c'est pas toujours évident de trouver quelqu'un qui sache vous écouter et essayer de capturer le meilleur son possible que vous faites, quoi, sans trop le dénaturer. Voilà, ça c'est toujours un compromis entre les deux, entre les musiciens et les techniciens, donc c'est toujours quelque chose d'un peu compliqué des fois. Donc vous êtes satisfait, vous y retournerez, il n'y a pas de problème. Ouais. Très bien. L'album, il est sorti quand? Le 7 février. 7 février, d'accord. Ah ouais, oui, en plus je le savais parce qu'il me l'avait dit, Bob, déjà. Très bien. Donc Bob, toi t'étais venu déjà avec un autre groupe, un groupe qu'on suit aussi depuis pas mal de temps, le groupe Ombrage. Oui, absolument. Donc avec Ombrage c'est fini ou... Alors pour moi oui, eux, pour toi, ils continuent, oui. Eux, ils continuent, ils continuent leur route, hein, et ils ont déjà des concerts de prévus. Voilà, donc ça bosse encore de l'autre côté. Mais moi, voilà, il y a eu un moment où ils ont voulu changer de direction artistique et je m'y retrouvais plus forcément. De plus, j'avais ce groupe-là qui me prenait énormément de temps, donc voilà. Ouais, il a fallu faire un choix au bout d'un moment, et puis voilà. Voilà, tout à fait. C'est la vie des artistes, hein, c'est souvent comme ça. Et en plus, avec Ombrage, c'est quand même, tu as quand même resté très longtemps. Hein. Bah ouais, depuis le collège qu'on a créé une dizaine le groupe, d'années. Une dizaine d'années, ouais. Donc c'est une page qui se tourne, une grande page, mais voilà, faut avancer, faut continuer, et on part sur de nouvelles choses. Très bien. Donc, tu n'as que ce projet-là pour l'instant, Dirty Kitten, ou t'en as d'autres? J'en ai d'autres, mais c'est pas... Mais c'est ton principal. Voilà. j'ai deux autres groupes où on est plus sur de la reprise et de quoi cachetonner, mais ça équivaut pas du tout à Dirty Kitten. D'accord. Très bien. Et les autres membres, ils sont aussi musiciens dans d'autres groupes ou dans d'autres projets? Ça, c'est la grande question. Eh ben, oui. Oui. Moi, je suis dans un autre projet aussi, mais qui est encore en construction. C'est un projet naissant, et puis là, je suis en train d'essayer de monter aussi un set toute seule de mon côté, mais pareil, c'est de la construction. Donc, ça reste le projet principal d'Arty Kitten. D'accord. Alors, pour ma part, là, j'en ai de moins en moins parce que j'ai fait un petit, taillage, voilà, dans le gras parce que j'en avais 7 au tout début de l'année. Ah ouais, d'accord. T'es à fond là-dedans, alors. Oui, en fait, je viens de terminer mes études à Jazz à Tours, du coup, et maintenant, je suis intermittent, donc j'avais beaucoup de projets plutôt événementiels. Maintenant, j'en ai enlevé pas mal et je garde Dirty Kitten. Un autre groupe qui s'appelle Rock for Society, qui est un groupe de reprise années 50 rock'n'roll, voilà. Oui, j'ai déjà entendu ce nom-là, ouais. Ah, bon, voilà. Est-ce qu'il y a des noms comme ça que je connais, d'autres que je connais, et puis il y en a certains que j'ai entendus, mais bon, je connais pas plus que ça, mais j'ai déjà entendu parler. Et ben voilà, appelez-nous si vous voulez, hein, si vous avez besoin, surtout vos événements. D'accord. Non, mais voilà, et puis sinon, j'en ai quelques autres en construction, voilà, mais c'est tout. Mais et en plus, on sait que les bassistes sont toujours recherchés, hein. Il y a des artistes qu'on trouve facilement, mais alors les bassistes, on est toujours en train de chercher les bassistes, oui. C'est pas toujours évident, hein. C'est vrai qu'on est pas mal pris, quoi. C'est pour ça, en plus, j'aimerais bien me mettre à la contrebasse et au sousaphone pour être encore plus pris comme D'accord. ça. D'accord. Ouais, pour certains styles de musique, ça va très bien aussi. Hein. C'est ça, oui. Et souvent, il y a des bassistes qui sont en même temps contrebassistes, mais ça reste quand même deux choses un petit peu différentes. Quand c'est même. Complètement différent complètement comme instrument. Différent, ouais. Ça n'a rien à voir, malgré que, en fait, ça peut servir pour les mêmes styles. Je pense par exemple au jazz, on peut faire aussi bien du jazz en contrebasse qu'en basse électrique. Mais la façon de jouer et la technique et tout ça, elle est quand même complètement différente Et c'est vraiment à l'apprentissage d'un autre instrument quand on y passe, quoi. Donc, ah ouais, j'imagine, ouais. Et en plus, même à la contrebasse, j'ai reçu des contrebassistes ici. Il y en a qui utilisent des cordes d'une certaine matière, d'autres en air de bœuf, et puis d'autres en, il y a plusieurs trucs comme ça, pour un son plus rond, d'autres et qui claquent un peu plus pour le rockabilly, des choses comme ça. Ouais, c'est après, vrai. Il y en a aussi en métal, un peu comme les celles des basses. Donc, il y a plusieurs styles différents suivant le son qu'on veut avoir. Ouais, hein. Je m'y connais pas trop, mais oui, je sais qu'il y a différents styles de cordes. Après, bah, comme, je sais, comme les basses, mais il y en a des plus particulières, on va dire, la contrebasse, justement, oui, en peau de je sais plus quoi, oui, j'ai déjà entendu cette histoire, oui. Et il paraît que ça coûte très très cher, et oui, en plus c'est très très sensible parce que à l'humidité et à la chaleur, donc il faut les accorder sans arrêt, mais ça a une couleur particulière. Je connaissais quelqu'un qui jouait avec ça, et ça coûte très très très cher en même temps, et il faut avoir quand même les moyens de pouvoir les changer assez régulièrement. Voilà, ça, c'est des choses, hey, on n'y pense pas, mais les musiciens, ben il faut aussi qu'ils se payent leurs instruments, les cordes ça s'use, et tout ça, donc c'est pour ça qu'il faut absolument rémunérer les artistes quand on peut le faire, surtout quand on se fait du blé sur leur dos, comme je dirais, par exemple. Voilà, il faut pas oublier. Très bien. Donc, quel est votre style de musique? Comment vous qualifieriez votre musique? On est à la croisée de plusieurs genres, parce qu'on vient tous de milieux, enfin de styles différents. Déjà au départ, même si on écoute de tout et tout ça, on vient quand même de styles différents au départ. Je pense que on se considère plutôt dans de la néo-soul avec, mais qui se joint avec du jazz. Des fois quelques parties rock, une partie un petit peu prog dans justement l'album que vous allez écouter, le dernier morceau. Et aussi beaucoup de la funk et tout ça. En fait, tout ce qui réunit un peu déjà l'univers de la néo-soul, quoi. C'est l'esprit de cette musique-là aussi, qui est un peu pareil elle-même à la croisée des genres. Donc c'est un peu éclectique, quoi. Mais il y a toujours cette patte qu'on reconnaît à chaque morceau, qui nous définit bien, du coup. D'accord. Dans votre album, il y a 6 morceaux. Est-ce que les morceaux sont tous pareils, ou est-ce que vous avez essayé justement de changer d'un morceau à un autre, essayer de mettre des choses complètement différentes? Les morceaux se ressemblent vraiment pas, je pense. D'accord. Ça raconte vraiment une histoire. On passe par vraiment plein d'états d'esprit, et ça se ressent beaucoup dans la musique aussi. Il y a plein de dynamiques différentes. Je pense que tout le monde peut un peu s'y retrouver. On explore plein de côtés. D'accord, très bien. Donc on papote depuis pas mal de temps. Il serait peut-être temps d'écouter un premier morceau. Alors on a décidé de les écouter dans l'ordre. On fait comme ça? Très bien. Parfait. Donc le premier morceau s'appelle Cool Anxiety. Voilà, je le dis bien. Ça va? Ah ouais, c'est beaucoup mieux là. Ouais. Donc je vais vous laisser annoncer les prochains titres. Hein, ça sera beaucoup mieux. Je vais avoir du mal quand je vais repasser vos morceaux dans les prochaines émissions. Là, j'aurai plus Jeanne pour le dire à ma place. Mais enfin, on va se débrouiller. Les gens qui s'y intéressent, ils vont essayer de comprendre quand même. Donc je propose qu'on écoute ce morceau tout de suite, et puis on en parle juste après. Oh oh, girl, just a cool. Yesterday, looking after my dreams in the Milky Way. Who are these men? Who are these boys? With their looks, with their judgments. If I was any woman, they wouldn't care. After some attention. By the way, who are these girls? Who are these women? With their shapes, with their clothes. If I was any woman, they wouldn't care. Mm-hmm. some jobs, but you feel so lost. We are in the camels, but there is this old man who looks like shit. Look at us around the shoulder, it could be our grandfather. And then without him, we just touch it for pleasure. Studio de Radio Arc-en-Ciel avec nos invités. On vient d'écouter leur premier morceau de cette EP qui s'appelle Hey You. Voilà, cherchez le nom. Et il y a pas écrit grand chose dessus, il y a juste les titres, mais il y a quand même écrit sur la tranche, on voit le nom de cette EP, on va dire ça comme ça, puisqu'il est à la limite entre le EP et le LP. On va le répéter comme on a dit au début de l'émission. Donc ça c'est le premier morceau, et effectivement en tout cas c'est super agréable, c'est super bien fait, et puis bravo aussi aux techniciens, parce que c'est vrai que pour avoir un son comme ça, vous avez il a bien travaillé, et vous avez bien travaillé aussi. Et puis au niveau musicien, je crois que là il y a rien à dire, là il y a du niveau là. Très bien, en tout cas c'est super agréable, et puis une très belle voix aussi, hein, Jeanne. Moi je sais que la musique comme ça, je pourrais l'écouter longtemps, ça me fatigue pas. Voilà, c'est j'espère que les auditeurs prennent autant de plaisir. Donc on découvre ce soir l'univers de Dirty Kitten avec comme vous avez dit, néo soul, un peu jazz, un peu jazz, ouais, il y a ça groove un peu, il y a tout là-dedans, c'est bien. Bravo en tout cas. Alors ce morceau-là, il existe depuis combien de temps? C'est un des premiers que vous avez composé, ou c'est Il remonte pas mal. Je crois que celui-ci date de, c'est pas un des premiers, mais peut-être de début 2024, il me semble. Mm-hmm. J'avais composé, ça parle du harcèlement de rue en fait. C'est un morceau qui est assez engagé, qui a l'air tout doux, mais qui parle de sujets assez qui sont assez tendus quand même. D'accord. Harcèlement de rue, c'est-à-dire quand on sort de chez soi et qu'il y a des gens qui nous harcèlent, comment ça se passe? Alors, c'est surtout dans mon expérience à moi, donc d'accord. C'est plutôt sous un regard féminin. Mmh. Ah ouais, mais c'est bien de l'expliquer, ouais. C'est vrai que... ça remet beaucoup en cause un peu les normes actuelles et le fait que le sexisme puisse continuer à exister vraiment partout et que la plupart des femmes se sentent en danger en dehors de chez elles. Mmh. Voire chez elle aussi en fait, partout. Et là du coup c'est spécifiquement sur le harcèlement de rue, les vieux pervers qui vont embêter les jeunes minettes, tout ça, bah, c'est tous les jours, quoi. D'accord, très bien, bah, c'est bien d'en parler, parce que c'est vrai que les hommes s'en rendent pas forcément compte, et il y a heureusement des hommes qui sont très respectueux, mais il y a aussi des gens qui sont un peu lourdeaux et qui des fois... voilà, donc c'est bien de dire qu'il faut pas faire ça. Il faut être gentil avec les dames et puis être galant. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est bien que du coup, c'est un petit coup de gueule parce que là, on voit que la musique, elle est bien et tout ça. Les chants, ils sont bien. Et en plus, ça veut dire quelque chose de cohérent. Et ça, c'est quelque chose de bien, en tout cas. Donc, un morceau qui s'appelle... Cool Anxiety. Voilà, c'est beaucoup mieux. J'hésitais à le dire parce que je sais pas le dire comme toi. Très bien, donc c'est le premier morceau. On va en découvrir encore 5 autres. Hein. Et là, je suis en train de regarder. Il y en a 2 à la fin qui sont particuliers. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces deux-là? On peut en parler déjà tout de suite. Alors, ils portent le même nom. Ils portent le même nom. Ouais. Mais, parce qu'en fait, finalement, c'est le même. C'est juste qu'il a été coupé séparé en 2 parties. D'accord. Car la seconde partie a été composée une nuit au studio, la dernière nuit. Je vous laisse en parler un peu plus, les gars, parce que vous étiez plus là que moi, vous en avez. Comment dire, on a un peu des influences, on va dire. Prog là-dessus. Prog, voilà, exactement, merci. D'accord. Et donc, moi, j'ai un synthétiseur modulaire. Donc c'était complètement nouveau en plus pour moi, le fait de l'intégrer vraiment à un morceau, à un groupe, dans un contexte, quoi. Et donc on a sous Monster et Red Bull fait pas mal d'expérimentations justement avec cette machine. Et beaucoup de, enfin, avec Maël, du coup, on s'est amusé à s'amuser avec des bruits, avec des pédales d'effet, avec à expérimenter vraiment, du coup, pour Maël, qui est un instrument plus acoustique, enfin, je veux dire, dans le sens où vraiment à expérimenter plus que seulement des notes ou voilà, quoi. Et donc, ça a été, personnellement, pour moi, c'était enrichissant, drôle, et on a pris du plaisir à faire ça à 3h du matin, quoi. D'accord, donc c'était un peu, vous êtes parti sur un délire au niveau de la recherche de son, etc., quoi. Oui. Ah, c'était sauvage. C'était une expérience en direct. Ouais. Carrément. Et en fait, le fait d'avoir aussi accès au studio, parce qu'on a eu accès au studio sans Fabien, donc une grande liberté à nous cette soirée. Et donc pour vraiment, je pense, sortir ce qu'on voulait au fond de nous et sans regard extérieur. Donc c'était quelque chose de notre cœur, c'était un message. D'accord, donc on va découvrir ces morceaux-là tout à l'heure. On va prendre le temps quand même de découvrir le reste de l'album. On a déjà parlé de l'album, de l'enregistrement. Je voulais aussi parler, est-ce que vous êtes un groupe plus de studio, parce que apparemment vous éclatez en studio, ou un groupe de scène, de live? Plutôt de live quand même, puisque moi je me bats depuis quelques mois pour programmer pas mal de choses. Donc comme on l'a dit précédemment, on a déjà fait une tournée au mois de juillet, qui s'est très bien passée. On a fait une petite semaine de résidence, après 4 concerts d'affilée dans toute la Normandie. On est passé par Cherbourg, Rouen, Le Havre, et Bayeux. Donc voilà, on a fait un petit peu de route quand même. Puis après on a rentamé sur de la résidence, et quand je suis rentré de vacances, je me suis dit faut qu'on continue, en fait. Ça s'est tellement bien passé, l'ambiance était tellement cool. Donc dès septembre, je me suis mis à continuer à faire du booking et à programmer une deuxième tournée qui arrive très prochainement, puisqu'elle va se dérouler dans 2 semaines. D'accord, et vous allez dans quel coin cette fois-ci? Alors, on fait tout le sud de la France qu'on n'avait pas pu faire lors de la première tournée. Donc on passe par Limoges, Bordeaux, Dax, Toulouse, Montpellier et Marseille. Ah ouais, carrément, vous faites vraiment le sud, hein. C'est-à-dire vous descendez à l'ouest et après vous repartez vers l'est. Tout à fait. Très bien, donc comment ça s'est passé la première tournée? Vous avez été, comment ça a été perçu votre musique par le public? Assez bien, puisque on a eu quand même pas mal de monde sur une période qui est pas simple. C'est les vacances scolaires, les vacances estivales, les gens partent, ne sont pas forcément dans le nord de la France, ils sont plus dans le sud justement. Donc on a réussi à avoir pas mal de monde sur chaque date, avec quasiment à chaque fois des coplateaux, donc d'autres groupes qui jouaient avec nous, qui ramenaient aussi pas mal de monde. Donc à chaque fois les gens étaient nombreux, contents de nous entendre, ils portaient vraiment un intérêt sur le projet, et c'est d'ailleurs, je pense, qui nous a poussé pas mal à faire l'EP assez rapidement. On l'avait quand même déjà en projet, mais voilà, c'est ce qui nous a vraiment dit faut qu'on le fasse. Donc voilà, ça a été que des points positifs sur cette première tournée. D'accord, très bien. Donc déjà une tournée de fête, une autre de prévue. Donc à chaque fois que vous faites des concerts comme ça, vous vous déplacez, donc vous partez pour une période assez importante. Non, ça, c'est en combien de temps que vous faites ça? En une semaine, deux semaines? Là, on va partir tout pile une semaine, en fait, puisqu'on va partir le mercredi et on va revenir le mercredi. Donc, on va faire six concerts en une semaine, un tout petit peu plus. À chaque fois, j'essaie de grouper au maximum pour qu'on puisse jouer tous les soirs. C'est un peu rude physiquement, parce que c'est énormément de choses à faire, l'installation, les balances, jouer, les installer, etc. Puis la route aussi, hein. La route, à chaque fois, on a 2 à 3 heures de route pour aller d'une ville à l'autre. Donc c'est énormément d'efforts, mais d'un point de vue budget, on n'a pas trop le choix, puisque actuellement, c'est très compliqué de se faire rémunérer par que ce soit les bars, les salles ou autres. C'est extrêmement compliqué. C'est quasiment obligé d'essayer de regrouper ça sur une semaine ou de faire au plus compact possible. Et vous jouez dans quel endroit? Des grandes scènes, ou dans des bars? Ou est-ce que ça vous arrive aussi de jouer dans des bars? Alors, la première tournée, on l'a faite... on a fait 3 bars et 1 festival. Sur la deuxième tournée, on fait un petit peu tout. On fait du bar, du café-concert... on fait aussi de la salle, on fait des petites salles, donc c'est assez éclectique. Et après je commence déjà à faire la suite, et on va essayer de se tourner sur les vraies salles, les SMAC, etc. D'accord, très bien. Les morceaux que vous interprétez dans cet album, par exemple, quand vous les jouez sur scène, vous les jouez strictement à l'identique, ou est-ce que vous les faites évoluer un petit peu? Est-ce que votre musique vit et continue d'évoluer? Elle vit forcément, parce que les solos typiquement sont pas des solos prédéfinis, quoi, surtout en live. D'accord. En fait. Ah ouais. L'improvisation. C'est de l'improvisation. Ouais, c'est de l'impro, ouais. D'où le fait que pour même beaucoup d'entre nous, on vient du jazz, donc c'est un peu un choix de liberté artistique, de pouvoir à chaque moment jouer et faire le solo, donc qu'on a envie de faire, pas avec son ressenti personnel. D'accord. Non, mais c'est bien, parce que les gens qui vous voient à un concert savent que s'ils vont vous voir prochainement, ils risquent d'avoir quelque chose encore de différent. Donc c'est suivant le moment, suivant... Alors que moi, ça m'est déjà arrivé d'aller voir un concert, et puis ça m'a tellement plu, j'y retourne une deuxième fois, mais il n'y a plus de surprise, donc on dit, ouais, on sait comment ça se passe, c'était bien, mais pas aussi bien que la première fois, quoi, parce que la première fois, on découvre. Et l'avantage, c'est que si vous évoluez, les gens peuvent aller vous voir, vous voir un autre endroit, et ça va être complètement différent. Il y a des groupes comme ça qui savent le faire, et donc je suppose que vous vous adaptez suivant les endroits, etc. Est-ce que vous jouez que vos morceaux, ou est-ce que vous jouez aussi quelques reprises de temps en temps? Oui, on joue que nos compositions. On avait ce choix artistique. Pour l'instant, quand on est en concert, on veut vraiment mettre le public dans notre univers et lui montrer des choses qu'on vit, et du coup on a vraiment pris le parti de faire que ce qu'on fabrique nous-mêmes. D'accord, donc c'est vraiment votre essence, c'est vraiment votre jus. Voilà, c'est vous qui le composez, qui l'écrivez, qui l'interprétez. Et puis c'est bien. Moi j'aime bien justement quand c'est comme ça, parce qu'à chaque fois que je passerai des morceaux de vous, je penserai exactement à ce que vous m'avez dit aujourd'hui. Il y a des morceaux comme ça qu'on découvre. Moi, des fois, j'écoute des morceaux et puis je pense à des choses, et après j'ai des gens devant moi qui m'expliquent. Et quand je les réécoute après, je les écoute d'une autre manière. On s'imagine d'autres choses, parce que effectivement, souvent on les associe à notre propre vie, et quand vous me racontez un peu comment ça se passe, et comment vous les avez composés, ce qu'il y a dedans, après je pense à ce que vous m'avez dit, et je pense que les auditeurs aussi sont sensibles à ça. Donc on va écouter le deuxième morceau s'appelle Enguerricheuse. Oui, c'est ça, oui. J'aurais pas dit comme ça, mais tu le dis beaucoup mieux que moi. Donc tu parles couramment l'anglais, non? Pas du tout. Pas du tout, non? Enfin, j'aimerais bien aller peaufiner ça, mais je fais du mieux que je peux. Très bien, en tout cas, tu dis beaucoup mieux que moi. Et alors, il parle de quoi, ce morceau-là? Eh ben, justement, il parle de soucis de colère, de crise colérique. Voilà. Crise colérique. Voilà, de temps en temps, on pète un peu les plombs et on est énervé. Et puis, complètement. Donc là, c'est un morceau qui est plutôt dynamique, alors? Plutôt. Et là, c'est complètement du ressenti personnel. Je dénonce rien, je dis juste les faits. D'accord, très bien. Ben, on va écouter tout de suite. C'est parti. Sometimes I deep express I'm crazy. Even when I have nothing to lose, I'm bullying someone to get mad at me. Crying next to me. Wanted to split her neck just to catch you. What a terrible mother I'd be. Have a good time on my own. It's so exciting. shining and a river flows. The water's running, maybe too low. The sun is shining and a river flows. The trial's quiet, but not for long. A loud sound and a mighty song. We check the paddles, but drift to the north. Nobody's gate on a telephone. It's so exciting. How we write the song. It's alright, it's alright. It's so, so exciting. It is like sailing on the water. Where everything's so quiet, so quiet. And where the breeze is sweeter. Sailing on the water. Where everything's so bright. And where the sun is out of the night. plusieurs artistes viennent dans le studio de Radio Arc-en-Ciel pour l'émission Mavrika. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel justement avec nos invités. On vient d'écouter une petite série musicale. Donc on avait commencé par, voilà, le temps que je retrouve un petit peu, parce que tout est noté sur le Facebook de l'émission Mavrika. Donc c'est là que je regarde quand je veux annoncer tous les morceaux qu'on a écoutés. On a écouté Dirty Kitten qui sont nos invités dans cette émission. Là, je vais dire le titre, mais je vais me faire incendier. C'est Anger Issues. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Bon, ok. Ensuite, on demandera à Jeanne tout à l'heure de nous le commenter. Après, c'était Twister Cover avec Sailing on the Water. Alors oui, ils s'amusent bien avec l'IA. Ils ont fait un clip vidéo dans lequel ils font un peu les pirates et à la fin, ça finit par exploser, etc. Je vous invite à aller les voir. Les Twister Cover qui étaient chez nous, c'était le 5 décembre et ils ont sorti un nouvel album et en tout cas c'est un groupe qu'on aime beaucoup écouter dans l'émission Mavrika. Et à l'instant on vient d'écouter la grosse voix du chanteur de Hall avec Something, le groupe Hall qui était venu chez nous le 26 septembre 2025. Voilà, on revient avec les Dirty Kitten parce qu'on a encore plein de choses à découvrir. Comment tu dis le titre? Anger Issues. Ah ouais, il va falloir que je bosse un petit peu tout ça parce que là c'est en même temps on s'adresse à un public français donc je pense que beaucoup de gens sont comme moi, mais c'est vrai que quand on parle bien l'anglais ça, c'est toujours beaucoup mieux. Très bien, donc le deuxième morceau de cette EP qui s'appelle Hey You. Alors pourquoi vous l'avez appelé Hey You? Question Hey You, c'est une invitation déjà, c'est une invitation pour l'auditeur, pour venir écouter un peu ce qu'on a raconté. Après, évidemment, on peut y voir des références artistiques sur nos goûts aussi. C'est aussi le nom. Hey You, c'était quoi? C'était les Specials, non? Pink Floyd aussi. Mmh. Bah ouais. C'est vrai qu'il y avait les Specials, ça commençait par Hey You, et puis après ils faisaient tout un truc. Donc je me suis dit, ça se trouve, vous avez aussi des références avec ça. Non, c'est pas un groupe qui faisait plus que ça. Bon, pas spécifiquement. Plus les Pink Floyd alors. Carrément. Ouais, carrément. Ouais, les Pink Floyd, c'est quand même, c'est un groupe mythique. Même si les Specials, c'était bien quand même. Moi, j'aimais bien. c'est autre chose, hein, mais dans l'émission Mavrika, on est bien découvrir justement des univers différents. Là, ça a été le cas avec trois groupes à la suite qui étaient avec des univers différents. Mais quand c'est bien fait, c'est bien fait. Donc voilà, les meilleurs artistes viennent dans l'émission Mavrika. Et c'est le cas ce soir avec les Dirty Kitten. Ouais. Et pourquoi Dirty Kitten? Parce que quand on tape sur Internet, on trouve beaucoup. Hein. Mais c'est pas forcément le groupe. Hein. Oui, non. Oui, alors, Dirty Kitten. Pourquoi Dirty Kitten? Alors, Dirty, c'est parce que ça veut dire sale, un prof, etc. Et en plus, ça a une connotation quand même en anglais assez violente. Et donc, du coup, ça parle du fait que dans les textes que Jeanne écrit, c'est beaucoup. C'est très cru. Très cru. Ça dénonce une de la société. C'est sale. Voilà. D'où Dirty. Et Kitten, c'est une petite référence à. Bon, faut la connaître celle-là. Mais en gros, on appelle le Cats. Cats, c'est le surnom des jazzmen de la Nouvelle-Orléans dans les années 20-30. D'accord. Voilà. Et donc, ça fait une petite référence à ça, quoi. Un petit clin d'œil au jazzmen, de la Nouvelle-Orléans. C'est ça. Et en plus, ça sonne bien, Dirty Kitten. C'est aussi pour ça qu'on s'est arrêté dessus. C'est qu'on s'est dit, ça sonne bien. Ouais. et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de recevoir un groupe qui s'appelait les Dirty Charlie. Que vous connaissez peut-être. La semaine dernière, on avait dans l'émission, on avait le groupe Modarn. Est-ce que vous les connaissez? Non. Ça me dit quelque chose. C'est du local. Oui, c'est du local. Oui. Je les ai peut-être vus passer il y a quelques temps. Et Georges joue toujours. Hein, il était venu une première fois avec Dirty Charlie. Dirty Charlie, oui, dans l'émission, et il continue de jouer avec. Hein. Donc voilà, donc Dirty. Et après, il y a un autre groupe aussi que j'ai eu la chance d'interviewer qui s'appelle Dirty Rodeo. Qui fait, je crois qu'ils sont de l'est de la France. Dirty, ça revient quand même, hein, si on regarde bien. C'est le côté un petit peu cru, un peu sale, comme vous dites, mais bon, c'est qui impacte un peu. Je pense que c'est comme ça. Voilà, on dit les choses comme elles devraient être dites. Hey you, voilà. Très bien. Alors, on a parlé de l'album, on a parlé des tournées. Est-ce qu'il y a des dates qui sont à annoncer dès maintenant? Bah, toute la tournée, je pense, hein, qui arrive. Toute la tournée. Donc, qui arrive pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc, le 25, on est à Limoges, au bar Les Limogés. Le 26, on est à Bordeaux. Au Fiacre. Fiacre. Le 27, on est à Dax, au Phileas Fogg. Le 28, c'est on sera Toulouse. À Axis à Toulouse. Après, c'est le 3 mars, on est à. On est à Dax. Non, le 3 mars, on est à Montpellier. Ah ouais. Au Tarmac. Et après, c'est le lendemain à l'intermédiaire à Marseille. Ouais. À Marseille, voilà. Et après, vous remontez, il n'y a pas de date. Non, il y a pas le centre de la France, et, non. J'ai pas réussi. C'est vrai que c'est. Par contre, après, qui arrive assez rapidement aussi, on a le tremplin La Belle Trempe. Ah oui. Qui est à Montargis, qui est un gros tremplin. Donc, on jouera là-bas le 21 mars. Oui, ouais, c'est, voilà, ça. C'est ça. Donc voilà, c'est quelques petites dates qui arrivent, qui se préparent tranquillement. 21 mars, donc ouais. La Belle Trempe, c'est là que vous jouez. Et après, je crois que c'est en plusieurs, il y a en plusieurs semaines, il y a des, et comment dire, il y a plusieurs étapes avant de désigner les gagnants. Je sais pas. Ouais, tout à fait. C'est trois. Il y a trois soirées, donc c'est une soirée par mois. Donc il y en a une en mars, en avril et en mai. Et après, il y a la finale en septembre. Ah d'accord. Ouais, donc. Et donc ça permet de découvrir pas mal d'artistes. Il y a pas mal d'artistes qui y sont passés, hein, des bons artistes, hein, ce qui est du niveau quand même. Ouais. Et puis après, si vous gagnez, vous gagnez quoi? C'est une excellente question. Vous savez pas exactement. Déjà le fait d'y jouer, c'est déjà bien. Voilà. Mais après, si en plus vous gagnez, il y a pas un enregistrement ou une tournée ça ou dépend, un truc comme ça. Ouais. Ça dépend en fait des besoins des groupes. Il peut y avoir de la programmation sur des festivals, il peut y avoir de l'enregistrement. D'accord. Il me semble que c'est au studio Émergence avec Stéphane. Ouais, Stéphane. il me semble. Hein, je suis pas sûr. Je sais plus s'il est encore dans ce tremplin. Mais voilà, il me semble que c'est plutôt de la programmation sur du festival. D'accord, très bien. Donc voilà, on a parlé d'un autre studio tout à l'heure, vous en aviez parlé. Il s'appelait comment le premier là? Train 28. C'est bien de le dire, parce que moi je crois que c'est la première fois que je l'entends. Eh bien, ouais. Et pourtant c'est un très bon studio avec un ingénieur du son qui est top. Fabien, si tu nous entends, réponds à mes messages. Oui, on t'aime, Fabien. Oui, humainement, c'était génial. C'était incroyable. Non, mais c'est vrai que c'est bien de trouver les bonnes personnes et d'avoir les gens qui sortent de studio. Moi, j'ai vu des fois, j'ai eu l'occasion d'aller à des enregistrements en studio et des fois, je vois que ça se passe mal. Il y a du stress. Il y a des, et donc, déjà, être dans un studio où il vous fait confiance, il vous laisse déjà tout seul. En plus, il est à votre écoute et tout ça, et il vous permet une certaine liberté. Donc déjà, vous êtes tranquille. Je crois que c'est quelque chose de bien, parce que quand il y a le stress derrière, c'est pas toujours évident. Et en plus, tu connais aussi le studio Émergence. Oui. Avec Stéphane, vous avez enregistré avec Ombrage. Ouais, voilà, fait. C'est pour ça. Et puis nous, on avait enregistré la fameuse chanson Mavrika, qui a été interprétée par, si je me souviens bien, 21 personnes différentes, des artistes. Bon, ça commence à dater un petit peu, et on est en train de partir sur un autre projet, peut-être faire une deuxième chanson Mavrika aussi, avec d'autres artistes. Donc on fera appel à ceux qui veulent bien venir, qui veulent apporter leur voix, leurs instruments, et puis essayer de refaire un projet comme ça. Donc là, pour l'instant, on est parti déjà avec le groupe Rascas, qui vont peut-être nous écrire une nouvelle chanson. Voilà, donc c'est important de le dire aussi, parce que on connaît des bons musiciens, on connaît des bons studios, donc s'il y a la possibilité de faire un petit enregistrement pour l'émission Mavrika, ça serait avec beaucoup de plaisir en tout cas. Voilà, donc voilà pour les dates de concert. Autre chose, le CD que j'ai entre les mains, si on veut se le procurer, on va où? On va à vos concerts, je suppose, déjà. Oui. C'est ça. Mais globalement, c'est tout. On n'a pas encore de site. C'est quelque chose auquel il faut. Ça, c'était la question que j'allais poser après. Ouais, donc, pour l'instant, il y a juste un Facebook. Déjà, il y a Instagram aussi. Surtout sur Instagram. Très bien. Et après, sinon, ça va être sur toutes les plateformes de streaming. Donc, Deezer, Spotify, Qobuz, Apple Music. Voilà. Tout site qui diffuse de la musique, normalement, on y est. D'accord. Donc c'est qui s'occupe de tout ça? Parce que ça c'est du boulot, hein. Ça, c'est toi Bob. Ouais, malheureusement c'est moi. Ouais, parce qu'aujourd'hui les musiciens, donc ils sont musiciens, ils sont techniciens, ils doivent aussi chercher les dates. Il faut qu'ils sachent se servir d'Internet, il faut qu'ils sachent se servir des ordinateurs. Il faut qu'ils aujourd'hui, c'est vraiment un métier à plein temps, hein. Et donc, c'est pour ça, les artistes, quand on les reçoit comme ça, bah, il faut quand même essayer de bien les rémunérer. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est un truc qui revient assez régulièrement. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui veulent faire jouer les groupes, mais pas les rémunérer. Et quand on se fait de l'argent sur leur dos, il faut au moins un minimum les payer comme il se doit. Parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de matériel aussi. Et puis, il y a le travail sur la scène, mais ça se limite pas uniquement à ça. Il y a toutes les répétitions, il y a les compositions, il y a le matériel qu'il faut trimballer, les voyages et tout ça. Donc, voilà, c'est quand même c'est un travail qui a beaucoup de mérite. Voilà, faut le dire. Tu es d'accord avec moi, Didier ? Alors, Didier, alors il est de mon côté, donc vous n'allez pas bien l'entendre, mais c'est quelque chose qu'il dit assez souvent dans l'émission. Voilà, tu veux apporter quelque chose de plus, Didier ? Non, mais tu es d'accord avec ce qu'on dit, là. Les artistes, il faut les rémunérer comme il faut. Voilà. Ou les défrayer. Les défrayer, ouais. Tout dépend, parce que Didier fait une chronique régulièrement dans l'émission Mavrica, et suite à toutes les chroniques, il a écrit un livre dans lequel vous pouvez retrouver justement quelle est la différence entre les défraiements, comment il faut déclarer les artistes, les cacher, tous les trucs comme ça, parce que c'est pas clair. Les gens, des fois, ils emploient des artistes sans savoir que derrière les artistes, des fois, ils ont des impôts à payer et ceci, cela, et donc il y a tout un côté administratif, ouais, les déclarations, ouais, les bars, les endroits qui vont au fond jouer, ben voilà, mais tout ça c'est compliqué. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, même pour nous qui sommes musiciens. Oui. On en apprend tous les jours déjà, et pour s'y retrouver, de comment déclarer à un musicien, ou enfin tout est compliqué en fait dans ce milieu-là, que ce soit pour se faire programmer, pour produire notre musique, tout est compliqué pour se faire déclarer, pour qu'on soit payé effectivement dans les salles, dans les bars. C'est des choses que tout le monde n'est pas au courant, n'ont pas conscience. Des choses comme ça, et des fois des choses qui se font comme ça oralement, et puis derrière on tient pas les promesses. Donc il faut tout écrire en contrat, il faut rien oublier, etc. Donc et après il faut se tenir. Une fois qu'on a fait un contrat, il faut se tenir. Les gens qui vous ont promis des choses, il faut quand même qu'ils vous payent en conséquence. Voilà. Donc c'est compliqué parce que ça c'est de l'administratif. Et voilà, on parlait tout à l'heure de la technique, des recherches, de concerts, tout le côté administratif, parce qu'il faut tout déclarer, il faut voilà. Donc c'est un métier vraiment compliqué. Très bien. Donc on a parlé des concerts. Est-ce qu'il y aura bientôt d'autres projets autres que les concerts et les enregistrements? Est-ce qu'il y aurait des clips vidéo, des choses comme ça? Eh ben, suite à la tournée de fin février, mars, on va tout de suite, tout de suite après, se lancer dans la réalisation, merci, d'une live session. Voilà. Donc il faudra travailler, qui se déroulera aux alentours d'avril à peu près, et juste entre mars et avril, il faudra, pas tout préparé, quel réel DA on veut avoir sur cette partie-là, quelle personne avec qui on travaille, tout ça. Mmh. Donc ça, c'est un gros projet. Puis ensuite... Donc ça sera une vidéo, de la vidéo de vous sur scène, c'est ça? Oui, c'est live session, mais sans public. Sans public, un peu ouais. Comme un espèce de... Je sais pas si vous connaissez Tiny Desk, ces choses-là. Mmh. C'est ça, en fait, on sera... On jouera comme sur scène, mais filmé avec un décor. Enfin voilà, on choisira tout ça. Il y a toute une partie des. Il n'y a pas du tout de public, ou il y a deux ou trois personnes qui sont quand même là pour. Oui, si, il y aura quand même quelques personnes, je pense, mais forcément. J'imagine. Mais ce ne sera pas dans une vraie salle de concert et tout ça. Ce sera vraiment une live session pour montrer en même temps notre direction artistique du groupe, comment on est, qui on est, et ça permettra aussi de mettre des images sur notre tête, sur nous, un but de démarchage plus tard, et aussi de présenter tout le projet. Est-ce que vous travaillez le fait d'être sur scène. Est-ce que il y a des mouvements? Est-ce que vous travaillez ça? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que non, c'est sur le moment que vous décidez, ou est-ce que vous avez déjà des petits trucs pour vous déplacer, pour faire participer le public, pour Et ben justement, ça se travaille en amont. Ouais, c'est ça que vous allez travailler aussi. Il y a quand même une part de spontanéité, évidemment. Bah, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on est sur scène, on est là avec l'énergie de la soirée, l'énergie des gens qui sont là. Mais on travaille aussi ça de côté. Bah, d'ailleurs, on sera en résidence toute la semaine qui arrive, là, au Château du Plessis. Et du coup, on va travailler un petit peu tout cet aspect scénique, parce que il y a quand même des choses qui se travaillent au niveau de l'aisance, de sentir bien, de rendre... de rendre le concert aussi plus actif, quoi, d'en faire un vrai spectacle, quelque chose qui soit il se passe quelque chose sur scène. On n'est pas juste là à partager notre musique, ce qui est déjà très bien, mais on veut partager plus que ça. Oui, parce qu'on peut imaginer, par exemple, on va avoir un groupe où les gens sont statiques, ils jouent très bien, mais au bout d'un moment, on s'ennuie un petit peu, parce qu'on aime bien voir quelque chose de beau. Et on a eu l'occasion, avec notre ami Didier, d'aller voir Sika, où là, c'était tout un spectacle. Il y avait des danseuses, il y avait des acrobates, il y avait plein de choses sur la scène. Déjà, ils sont costumés, ils sont maquillés, il y a des projections de vidéos. Il y a des éclairages. Donc vous, c'est quelque chose que vous travaillez aussi, hein, au niveau des éclairages, des projections vidéo, des choses comme ça, non? Ou des sons supplémentaires, parce qu'il y a aussi les instruments que vous jouez. Vous pouvez aussi envoyer par exemple, des gens qui parlent, ou alors des bruits, des... Et bien justement, alors, en fait, on va s'entraîner pour notamment faire... pouvoir faire des scènes plus grosses à l'avenir. Et donc, ce sera des scènes où, en fait, on aura vraiment l'occasion d'exploiter... tous ces côtés-là, ce qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de faire en café-concert, mais vu que le projet est en train de s'amplifier de plus en plus, on va aussi upgrade ce côté-là, quoi. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y aurait des concerts prévus dans la région orléanaise? Il faudrait que ça vienne. Il faudrait que ça vienne, ouais. Donc, on a celui qui est à Montargis le 21 mars. Mmh. Je sais même pas si je sais. On en aura un en novembre, mais je peux pas en parler encore parce que je sais pas si j'ai le droit. D'accord. Donc on en aura, c'est sûr, mais pas tout de suite. C'est bien sûr en projet. D'ailleurs, dès le retour de tournée, on commencera déjà du démarchage, notamment. C'est des salles qui sont énormes, bien sûr, mais des salles comme l'Astrolabe, on aimerait bien faire, que je vais essayer de démarcher pour l'année 2027. Le Bouillon aussi, qui est la salle universitaire d'Orléans. Oui, tout à fait, où j'ai été voir un jour un groupe qui s'appelait Ombrage. Absolument. Voilà, donc qui est aussi une très très belle salle. Donc c'est des choses que C'est des salles où on a du plaisir à écouter la musique, parce que c'est des salles qui sont traitées pour ça et ils ont un son excellent, contrairement à d'autres endroits où on va voir les artistes mais des fois le son est pas toujours très bien restitué. Là on a quand même l'Astrolabe, le Bouillon, de très belles salles et le son est très agréable à écouter, quoi. Tout à fait. Ben on est vraiment sur les salles de concert où le son est fait pour ça. Voilà, c'est vraiment pour accueillir des concerts. Donc on n'est pas sur du bar où c'est de l'appoint, ou c'est pour animer une fois par semaine. Voilà, on sera vraiment sur des lieux dédiés à ça. D'accord. Est-ce que vous avez un ingénieur son? Il faut qu'on en parle. Quelqu'un qui vous suit, parce que un ingénieur, c'est un métier, mais par exemple, si vous arrivez, vous avez un ingénieur qui va vous faire un très bon son, etc., mais il ne connaît pas les morceaux dans les détails, tout ça, il va pas mettre en évidence et en valeur des points particuliers, un solo, et donc c'est important d'avoir, il y a certains groupes qui l'ont, et c'est vrai que ça se ressent quand même, ça se ressent, c'est un petit plus, quoi. Et on a un ingé son, et d'ailleurs, il connaissait les morceaux même avant la plupart des membres du groupe, puisque c'est mon papa. Ah, d'accord, donc ça aide. Il s'appelle Yann Galmadec, et c'est son travail depuis. Il a fait ça toute sa vie, quoi. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance d'avoir quelqu'un qui connaît aussi bien son métier. C'est un pro, alors? Ah oui. Ah oui, d'accord, très bien. Il travaille un petit peu partout. Il travaille au Maroc, il travaille en Espagne. Ah ouais, d'accord. Mais il est intermittent depuis 30 ans, donc... Il a travaillé avec des grands noms, donc... Ça mène beaucoup. On a eu la chance, il y a une semaine, on a reçu dans l'émission à notre ami Didier, il fait une émission le jeudi après-midi, on a reçu un ingénieur son, c'était le thème de cette émission, et on avait reçu Sylvain qui fait le son du Philharmonique de Paris, et qui accompagne aussi des artistes dans le monde entier, et nous on aime bien le côté technique, parce que c'est important aussi, c'est ce qui met en valeur les artistes aussi, et donc c'est un métier, c'est des gens qui ont une bonne maîtrise, déjà leurs instruments les plus performants, c'est leurs oreilles déjà, et ils arrivent à faire quand même ressortir dans les meilleures conditions le son des artistes, et donc c'était le sujet de notre ami Didier il y a une semaine, donc avec Sylvain qui était venu nous parler de ça, donc tu vois, peut-être un jour ton papa viendra aussi, ça nous fait plaisir, ouais. Peut-être le sujet d'une autre émission de Didier. Voilà. Donc peut-être un ingénieur du son. Et est-ce que vous avez des lumières de programmer ou des vidéos de projeter, ou est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore fait mais que vous aimeriez faire aussi? Parce que ça se fait de plus en plus, ça. Et voilà. Oui, c'est quelque chose qui va devenir important. Pas dans les semaines à venir, mais dans les mois à venir, parce que on essaye de grandir, de faire de plus grosses salles, etc. Donc pour pouvoir proposer un show qui est vraiment complet avec des lights qui sont vraiment fixés sur ce qu'on fait, etc. Mmh. Effectivement, il faut qu'on commence à penser à chercher cet ingénieur des lumières. C'est quelque chose qu'il faudra travailler. On a encore un petit peu de temps, forcément. Mais on commence à y penser. Ouais, parce que je vois que vous essayez de construire vraiment un vrai spectacle et tout ça, donc je me suis dit l'importance. Voilà, je me suis dit que vous étiez sûrement intéressé par ces choses-là, quoi. Et sur scène, est-ce que vous êtes habillé normalement ou est-ce que vous avez des costumes de scène? J'essaie de vous imaginer là. costume, je sais pas, mais par contre, oui, on a une vraie DA artistique. On essaie de travailler dessus au moins au niveau des couleurs. On travaille aussi au niveau des formes et des textures des vêtements. Mmh. Donc ça s'est fait par pas mal de réunions tous ensemble, pas mal de cafés à la maison. Et d'aller en friperie. Pas mal de friperie. D'accord. Donc moi j'ai vu les photos, c'est un côté un petit peu vintage. Voilà, c'est, on retourne un petit peu en arrière. Ça fait un peu. Comment on pourrait imaginer décrire ça? C'est un petit mix. Il y a des petites touches de 70. Des touches des années 90. C'est un petit mélange de tout ça, quoi. D'accord, très bien. Très urbain. Ouais, très urbain. C'est ça. Ok, très bien. Donc, on écoute le troisième morceau de cet album. Carrément. Là, je crois que je vais un peu mal débrouillé. Good night. Ça va. Attends, je vais le faire à l'accent de Californie, très anglais. Good night. Voilà. Très bien. Donc, on va écouter Good Night, le groupe Dirty Kitten. C'est le troisième morceau de cette EP qui s'appelle Hey You. Another glass of frost, say, the sun is passing by your window. You wanna take a cafe? I think it's time to come home. I'm gonna Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Décidément, on a eu un petit souci tout à l'heure, mais c'est pas bien grave. On peut vous expliquer tout simplement. On a des lecteurs de CD qui, si on les laisse caler pendant un certain temps et on papote longtemps, ils se mettent en veille. Au moment où on doit envoyer le morceau, forcément, ça démarre pas. Donc voilà, il y a eu un petit couac, mais vous étiez rendu compte de rien, j'en suis certain. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec nos invités, le groupe Dirty Kitten. Et j'ai eu aussi au téléphone tout à l'heure Christophe, le guitariste des Prisma, qui vous passe le bonjour, hein, qui est à l'écoute comme tous les vendredis, et qui nous a dit voilà, en tout cas le morceau que ce que vous faites comme musique lui plaît bien, c'est très bien fait, etc. Même si lui il vient plutôt de l'univers métal, mais je sais que c'est quelqu'un qui aime bien écouter plein de musiques différentes et découvrir des univers différents comme on le fait dans l'émission Mavrika. Voilà. Beaucoup. Et merci puis beaucoup. Voilà, on le remercie parce que c'est quelqu'un de très fidèle en plus. Et je voulais aussi annoncer quelque chose, c'est que lui, il organise aussi je suis en train d'essayer de chercher en même temps. voilà, je rajoute des lettres. Hein. Voilà. Non, décidément non. On va y arriver, voilà, parce que je suis sur l'ordinateur en train de taper en même temps. Voilà, j'arrive à trouver. Donc, Creek for Zik, ils étaient chez nous il y a quelques temps. Ils sont venus, l'association Creek for Zik, qui organise des concerts. Alors, c'est plutôt des concerts de hard rock, metal, etc. Et justement, ils organisent un concert le 11 avril. Donc, vous avez encore un peu le temps, mais il faut vraiment réserver vos places parce que c'est vraiment important. Ils organisent des concerts de groupes. Alors, il y a DGM, Metal Prog italien, Amon Cetis, Metal Prog français, Epitude, Rock Prog français, et bien entendu, il y aura le groupe Prisma du hard mélodique français. Voilà. Donc, ça se passe 1 rue du Stade à Cléry-Saint-André. Donc, c'est à l'espace, il y a un nom pour ce truc-là, j'essaie de trouver. Non, c'est pas marqué. C'est Espace Loire, si je me trompe pas. Espace Loire, donc à Cléry-Saint-André. Et donc c'est le samedi 11 avril 2026 à 18h30. Vous pouvez venir, il y a 4 groupes. Et donc c'est l'occasion de passer un très bon moment. Et en tout cas, on embrasse très fort Christophe et les membres du Creek for Zik qui organisent cet événement. Voilà, ça s'est passé. Voilà, on revient donc... Tiens, la programmation, j'ai pas fini non plus, excusez-moi. Donc on a écouté Dirty Kitten avec Good Night, on a écouté Raskas, tout à l'heure on a parlé du groupe Raskas, je me suis dit on va quand envoyer un petit morceau, surtout que j'ai vu que il y avait des gens de l'équipe de Raskas qui nous écoutaient. Alors on a écouté un morceau qui s'appelle Lilou, et à l'instant on vient d'écouter un groupe qui s'appelle The Bell Rays, et qui nous interprète un morceau qui s'appelle Hell on Earth. Et c'est un groupe que j'ai eu la chance de recevoir, le batteur, il y a quelque temps, Craig Waters, qui était ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il faut savoir que c'est un musicien qui est venu de Los Angeles, hein, quand même. Donc les Bell Rays, un groupe que j'ai découvert à cette occasion-là, que beaucoup de gens connaissaient déjà. Moi, j'étais un petit peu à la bourre, mais maintenant je savoure avec beaucoup de plaisir tous leurs morceaux. Voilà donc pour les morceaux qu'on vient d'écouter. Alors donc on parlait tout à l'heure des projets. Est-ce qu'il y a d'autres projets à part la vidéo, donc les concerts, la vidéo, un enregistrement d'un album dans quelques années, quoi d'autre encore? Il y a d'autres choses? Je pense que c'était déjà beaucoup. Ouais, mais je pense qu'on peut déjà parler du prochain enregistrement. D'accord. Ok. Donc on a sorti donc notre premier EP il y a maintenant une semaine, et on sait déjà qu'on va retourner en studio en février 2027. D'accord. Donc, au même studio, et on commence déjà à le préparer. Pareil pour un deuxième EP, je pense, pour affirmer ce qu'on a déjà fait en termes de son, etc. Pour finir un petit peu tous les petits détails, et puis je pense qu'après on pourra partir sur un album. D'accord. Donc vous faites deux EP. Alors il y a des gens maintenant, ils font le choix, au lieu de sortir un album, ils préfèrent sortir deux EP. Un exemple, c'est le groupe La Jarry, qui jusqu'à maintenant sortait des albums, et maintenant de plus en plus sortent des EP. Comme ça, ils en sortent plus souvent. Et voilà, je sais pas, c'est peut-être pour avoir plus d'actualité ou... Là, c'est plus une question de se construire aussi, de respecter un peu l'évolution du groupe, le temps de se trouver notre son. Bah, comme on l'a dit, le groupe, il est très jeune. Mmh. On a besoin aussi de se trouver en studio, on a besoin d'expérimenter. Parce que quand on sortira un album, pour le coup, ça sera vraiment le produit fini de tout ce qui aurait été expérimenté avec... avec les EP. Donc ça sera vraiment le disque de la maturité, c'est comme ça qu'on dit, non? Puis il y en aura d'autres après, et après celui-ci sera très immature, mais... Oui, c'est le premier d'une longue série, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'espère. Voilà, donc ce CD que j'ai entre les mains, donc vous pouvez l'avoir au concert. Est-ce qu'on a la possibilité aussi de vous le commander? Par exemple, on vous contacte, vous pouvez l'envoyer, est-ce que vous le faites ou non? N'ayant pas de site encore internet, ouais. Pour l'instant c'est pas trop le cas, mais je pense que de par ça exemple devrait... sur Facebook, et j'ai vu qu'il y avait un compte Facebook, donc si les gens vous contactent, ils peuvent aussi se le procurer, non? Bah, c'est un peu compliqué pour l'instant pour celui-ci en tout cas, enfin en tout cas pour la première série de 300 CD qui ont été sortis, mais à terme, oui, forcément à terme ce sera quelque chose sur lequel il faudra travailler, et ce sera forcément possible aussi. Après, on peut toujours s'arranger. Tant que la personne ne vient pas du nord de la France, voilà. Si c'est quelqu'un qui vient de Tours, d'Orléans, de Blois, on peut s'arranger. On est sur. Moi, je reviens régulièrement sur Orléans. Donc, voilà. On peut essayer de s'arranger sur ce qu'on est vraiment d'accord. Sur le local. Ouais, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment établi, mais voilà. Si vraiment il y a deux ou trois personnes qui sont intéressées, vous pouvez faire l'effort de leur apporter. Ok, d'accord, très bien. Voilà, et puis sinon après, bah, les gens ils peuvent aller sur les plateformes justement et puis écouter vos morceaux. Hein, donc vous êtes représentés pratiquement sur toutes les plateformes, vous me l'avez dit tout à l'heure. Oui, enfin, oui c'est... tout à fait. Ça a été compliqué, mais oui, on a réussi. Vous avez réussi. Très bien. On a parlé de plein de choses. Est-ce que vous avez, depuis votre petite carrière, parce qu'elle débute il n'y a pas très longtemps, du moins avec ce groupe-là, quels sont les moments, les plus grands moments de délire que vous ayez eu lors d'un concert ou lors d'une répétition? Est-ce qu'il y a un moment vraiment que vous avez envie de nous raconter, par exemple ce soir? Donc là, je vous demande comme ça, vous n'avez même pas réfléchi. Là, c'est vraiment de but en blanc. Ah, déjà, ouais. On a parlé du studio, déjà. Ça, c'est déjà une expérience. Mais après, alors, en concert... Et en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent souvent. Ouais, c'est ça. Nous-mêmes, rien que sans parler pendant les concerts et tout ça, mais je peux avoir, par exemple, au studio, quand des gens enregistraient, enfin, par exemple, je sais pas, moi j'étais en train d'enregistrer la basse avec Bob, les autres faisaient autre chose à côté dans le shit qui est accolé au studio. Et là, ça peut amener à des moments de très drôles et de délire, etc., assez marrants. Donc je pense en fait qu'il y en a trop souvent pour tous les compter. Même dans la vie de tous les jours, juste les trajets en voiture, des fois, pour aller en répétition, faire des chorégraphies, par exemple, dans la voiture, sur une musique. Enfin, voilà, il y a pas mal de petits moments comme ça. Effectivement, bah, il y a cette fameuse soirée où on a enregistré le dernier titre qui est assez légendaire. Enfin, ouais. Pour beaucoup, je pense, j'espère. Parce que, bah, effectivement, bah, l'ingé son nous a laissé son studio jusqu'à 3h du matin. Enfin, il est parti, il est rentré chez lui, il nous a laissé le studio toute la nuit et puis. On a composé. C'est une preuve de confiance déjà. Ah, ouais. Oui, en plus, vous étiez vraiment à l'aise. Ouais, carrément. Donc, ça, je pense. Enfin, cette soirée était. C'était lunaire. Donc, c'est parti quoi. C'est un truc qui n'était pas prévu. C'était un genre d'improvisation que vous avez fait, de recherche en même temps. En fait, à la base, ça devait être 5 titres et donc le morceau avait dû être en une seule partie en fait. Et En fait, on s'est retrouvé devant le fait accompli et en ayant l'envie, je pense, d'aller plus loin et de pousser et de pousser en fait à fond cette partie. Bon, vous verrez un peu plus tard, mais prog en tout cas, et peut-être en faire quelque chose à part entière. Et donc parce que le morceau en fait il était joué sur scène avec une partie déjà un petit peu voilà, mais là c'est que on l'a une partie qui durait 2 minutes, maintenant elle en dure 5 ouais, voilà. Et en pas chorégraphié mais recherché, beaucoup recherché, et donc c'est cette nuit là qui a permis ça, voilà. C'est ça, puis c'est aussi une partie du, enfin c'est aussi un morceau en fait qui a pris vachement de sens dans l'EP, parce que l'EP c'est, il parle de beaucoup de choses, il parle surtout d'une envie de liberté très importante, de liberté de vivre, de liberté sexuelle, ça met des stops à tout ce qui est sexisme. En fait, ça, c'est un EP qui respire la liberté, et on avait aussi besoin de vivre ça musicalement, parce que dans tout l'EP, on fait plein de trucs où il y a de la liberté, il y a de l'improvisation, mais là, le dernier, c'est un vrai lâcher-prise, mais sur tous les plans, enfin, je pense que vous verrez la différence. D'accord, ben justement, on en parle, et on fait durer un peu le plaisir, le suspense. Comme ça, à la fin de l'émission, on va l'écouter, hein. Donc on a encore un petit peu de temps, on a encore plein de choses à découvrir. Mais c'est bien d'en parler, comme ça, les gens se préparent à écouter quelque chose d'unique. On peut dire ça comme ça, oui. Unique. Mmh. C'est vraiment l'instantané qui a été enregistré, c'est quelque chose, oui, que vous le referez jamais de la même manière. Oui. Ouais. Oui, voilà, c'est quelque chose, parce que ça c'est important, les enregistrements, c'est que des fois il y a des choses qui se passent et puis on l'enregistre, on se rend peut-être pas compte sur le moment, mais quand on le réécoute quelques années après, on se dit ouais, il y avait vraiment quelque chose de magique, parce que c'était un instant magique que vous avez immortalisé, quoi, finalement. Bah oui, c'est drôle, c'est vrai que c'était sans le faire, enfin pas sans le faire exprès, mais il y a certains, enfin le pourri, je vais dire ça comme ça, mais oui, vous allez comprendre après, qui ont été un peu faits sur le vif par la recherche au clavier et tout ça, des choses qui sont tombées, enfin c'est, je te laisse expliquer Ariane, mais en vrai c'est toi qui as fait le truc, mais la recherche de clavier et tout ça, alors c'était très, très libre. Oui, très spontané, inattendu, très... et... Ouais. Mais plein de sons comme ça qui sont arrivés par de la recherche, juste ouais, tout bêtement, et finalement on a décidé de garder plein de trucs et en fait ça prenait sens, quoi, c'était trop bien. D'accord, très bien. Donc on se le garde pour la fin, ce morceau-là qu'on va découvrir donc en deux parties, une première partie qui est plus normale et la deuxième où là vous êtes parti en délire. Donc c'est un peu la question que je vous posais tout à l'heure. Donc est-ce qu'il y a aussi lors des concerts les gens qui viennent vous voir qui sont contents d'avoir assisté à votre spectacle ou alors vous partez et puis vous... Bon. Ah non, souvent on parle, enfin on reste un peu sur place déjà pour démonter le matériel de ça, mais aussi pour voir peut-être les pour être avec les gens, ouais, voilà, et avoir leur retour à chaud, leur ressenti, etc. Ouais. Et pour l'instant on n'a jamais eu de mauvaises critiques, quoi. Ouais. Ça a toujours soit été des critiques constructives, ouais, soit en tout cas des gens qui aiment bien et qui apprécient la musique. Mmh. Puis c'est vrai que ça reste un grand moment de partage, en fait. C'est une notion qui est assez importante pour moi, parce qu'on fait pas de la musique pour nous. Enfin, on la fait pas que pour nous. On la fait aussi pour les gens qui vont l'écouter, qui vont la recevoir. Donc, effectivement, il y a l'avant-concert où les gens viennent, ils savent pas forcément ce qu'ils vont écouter, voir. Il y a le moment où on partage sur scène et il y a l'après où on échange. Sur chaque concert, on a énormément de retours, énormément de gens qui viennent nous voir pour nous dire que c'était super, que musicalement c'est hyper chouette, qu'il se passe quelque chose sur scène. Et voilà, c'est un grand moment de partage, de voir les gens sourire, de dire ce qu'on a à dire de nos textes. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important et on est vraiment très satisfait là-dessus. D'avoir ces gens qui viennent nous voir, qui osent venir, et de continuer à partager avec nous. Bah, on leur donne une partie de nous aussi, hein, quand même. Ah bah oui, là, vous êtes, ouais, quand vous êtes sur scène, vous êtes un peu en train, ouais, de dévoiler votre univers, etc. Exactement. Donc vous êtes en train de... parce que moi, je vois ça comme ça. Moi, je suis pas musicien, vraiment. Mais j'imagine que les musiciens, déjà, c'est beaucoup de travail pour arriver à se faire plaisir déjà à soi-même. Quand on fait de la musique, on doit déjà se faire plaisir. Après, vouloir le partager avec d'autres personnes Et quand ça match, ben voilà, je crois que c'est le but, c'est le partage. On a parlé tout à l'heure de partage. Les musiciens, c'est quelque chose de très important. C'est pas comme quelqu'un qui, dans un autre métier, il va faire son taf et hop, il a fini. Musicien, c'est quand même quelque chose qui touche au niveau de l'émotion. Donc voilà, c'est une transmission. Et puis l'émotion que les gens perçoivent n'est pas forcément celle que vous avez voulu transmettre. Des fois, oui, ça revient, mais d'autres fois, les gens, ils se reconnaissent par rapport à leur vécu à eux. Donc, il y a une émotion qui est véhiculée, mais qui n'est pas forcément celle que vous avez voulu mettre au départ. Et puis, donc, c'est bien de parler, et puis de dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Bon, souvent, quand c'est pas bien, il vaut mieux pas qu'ils viennent. Ou alors, quand c'est constructif, comme disait Will tout à l'heure. Effectivement, quand il y a des gens, des fois, qui disent « Ouais, il y a eu ça, mais il y a eu un petit truc, peut-être qu'on pourrait... c'est peut-être une petite longueur, ou je dis n'importe quoi. Hein. » Mais voilà, quand ils ont vraiment quelque chose qu'ils ont ressenti, qu'ils se sont dit « Voilà, ça, on pourrait peut-être essayer d'améliorer. » Oui, c'est important. Mais après, dire « C'était nul » et tout ça, ne venez pas. Allez pas voir les musiciens pour dire ça. Ça sert absolument à rien. Il faut leur dire quand c'est bien, et puis les aider justement à évoluer, et pas les casser, ça sert absolument à rien. Voilà. Non, parce que il y en a certains, c'est leur plaisir. Je vous le dis parce que moi, je suis tombé sur des gens comme ça. Ils me disent « Si, moi, je vais voir les gens et je leur dis que c'était nul. » Non, mais tu vas pas, tu fais pas ça. Je dis bon, donc c'est quelque chose qui me dépasse un petit peu. Mais bon, il faut savoir que un jour ou l'autre, vous risquez de tomber sur des gens comme ça. Oui. Mais bon, en ce qu'il faut regarder, c'est qu'ils sont minoritaires quand même. On accepte les critiques. Hein. Enfin, c'est même très constructeur et ça nous aide à avancer, je pense. Voilà, si c'est bien construit. Très bien. Aujourd'hui, vous êtes capable de tenir combien de temps sur une scène ? Avec tous vos morceaux, plus d'une heure, on a une heure et on travaille à la suite. D'accord. Ouais. Et après, si les morceaux d'une minute vous les faites en 5 minutes, vous pouvez durer 2 heures, quoi. Oui. L'improvisation, finalement. Ah, oui, oui. Ouais, dans le jazz et tout ça, voilà, c'est un petit peu comme ça que. Qui fonctionnait avant, hein. Les morceaux, ils étaient un petit peu improvisés, puis on sortait des phrases qu'on remettait dans le truc, et puis ainsi de suite, et on construisait au fur et à mesure des morceaux qui, ils sont pas nés d'une seule fois, ils sont nés avec le contact d'autres musiciens et tout ça, donc c'est l'histoire du jazz, hein. Voilà. Très bien, on écoute donc le 4e morceau. Alors là, c'est le titre qui a le même nom que l'EP, Hey You. Donc il y a un petit clin d'œil avec Pink Floyd ou pas du tout? Pas spécialement. Pas spécialement, enfin... voilà. Et ça parle de quoi par contre? Ah, c'est une histoire d'amour. Ah bah oui, mais ça, les histoires d'amour, ça c'est... Qui finit mal. Non, je vais pas dire ça. Mais bon, c'est ce qu'on dit souvent, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires d'amour qui finissent mal, mais il y a aussi des histoires qui durent toute la vie, et puis et on oublie finalement que, et c'est tellement... C'est beau qu'on partage quelque chose toute la vie, et puis donc les gens qui sont ensemble depuis très très longtemps reconnaissent, même si c'est pas un amour comme au départ, ça se modifie tout au long de la vie, mais au bout d'un moment on s'aperçoit bien qu'on les gens qui sont dans ce cas-là, ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, et c'est ça la vraie chose, quoi. Voilà. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Après, est-ce que c'est ça qui est dans la chanson? Je ne sais pas. Ah, dans la chanson, c'est plus un manifeste sur la liberté. La liberté d'aimer à travers une histoire d'amour qui finit mal. D'accord, très bien. On écoute tout de suite « Hey You ». How you? I saw demons. cause I'm an I'll fight for you.

no more. Merci d'écouter Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica le vendredi soir de 19h à 22h. Nous sommes ce soir avec un excellent groupe, hein, franchement, c'est un vrai plaisir de les écouter, les Dirty Kitten. Ils sont ici présents, hein, tous les cinq. Et on découvre leur EP qui s'appelle Hey You. Et on vient d'écouter d'ailleurs le morceau qui s'appelle Hey You. Et on a écouté ensuite Prisma avec No More Tears. C'était le slow d'il y a quelques années, hein. C'est le slow vraiment, parce que les groupes de hard rock savent faire de très bons slows, et c'est le cas avec No More Tears. Et à l'instant, c'était le groupe Last Riders qui était chez nous le 10 octobre 2025 et que nous avons eu l'occasion de voir la semaine dernière, donc à l'After à Beaugency en concert, et franchement ça envoie du bois et c'était super bien fait. Bravo à eux en tout cas, et c'est toujours un plaisir de les écouter. Le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Out of Control, et puis là on reprend le contrôle après les petits couacs. Aujourd'hui c'était le 13 vendredi 13, alors donc il y a eu quelques fantômes qui étaient là dans nos machines, mais voilà, tout est arrangé, vous inquiétez pas, on va essayer de faire pour le mieux pour bien continuer cette émission. Voilà, tiens, j'ai un petit truc à aussi présenter. Les concerts Mavrica, il y en a deux qui vont avoir lieu très bientôt, hein. On avait vu tout à l'heure les concerts du Creek for Zik, et cette fois-ci l'association Mavrica qui fait aussi des concerts avec l'opus numéro 1 de l'auditorium. C'est la première fois qu'on fait ça dans un auditorium, donc ça sera avec le groupe Swing Camille, c'est du swing manouche, et il y aura aussi le duo Recto Verso, donc c'est du pop folk rock franglais, et ça sera samedi 21, donc samedi prochain, la semaine prochaine, à l'Espace Bérard, à la Chapelle Saint-Mémin, donc à partir de 20h. Et voilà, il y a tout pour passer une très bonne soirée, donc venez nous voir, ça nous fera vraiment plaisir. Et aussi le concert Mavrica Live numéro 16, il y aura deux groupes sur la grande scène, donc c'est dans la grande salle de l'Espace Bérard, le groupe Dérapade et le groupe Elixir, donc c'est le samedi 7 mars à 20h. Et ça se passe encore une fois à l'Espace Bérard, mais c'est dans la grande salle cette fois-ci. Donc et puis il y a tout pour passer une bonne soirée. Il y aura 3 heures de rock, hein, 3 heures de rock pour comme pour l'auditorium aussi. Il y aura 3 heures de musique, et là 3 heures de rock, donc avec Dérapade et Elixir. Venez avec nous et allez encourager les groupes. Est-ce que vous-même vous allez au concert voir d'autres groupes? Oui, évidemment. C'est pas toujours évident, hein. Il y en a certains, ils sont enfermés dans leur truc, et puis non, on va pas voir les autres. Oui. Bon, bah, après, voilà. Mais vous aimez le live, vous aimez voir aussi les autres groupes, vous aimez partager les moments d'émotion. Vous envoyez des émotions, mais vous aimez aussi en recevoir. Bah oui, carrément. Et puis comme on est, toutes nos formations étaient musicales. Donc, en fait, on a plein de potes et aussi plein de connaissances, ah bah oui, et plein de profs qui ont des projets ou qui nous envoient vers des projets. Donc en fait oui, c'est c'est toujours intéressant d'aller voir une ouverture de jam avec un groupe qui ouvre et qui est super, de voir des groupes émergents tout comme nous qui émergent aussi sur la scène locale, etc. Puis aussi voir des fois des très grands groupes, voir des très très très grands groupes internationaux et tout ça. Voilà. Mais comme on dit dans l'émission Mavrica, tous les groupes internationaux ont commencé par être des groupes locaux. Oui, voilà, il faut quand même le dire. C'est un peu comme tous les gagnants du loto, ils ont commencé par jouer. Donc il faut commencer petit, puis un jour, voilà, c'est ce que je vous souhaite. Est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à partir pour une tournée aux États-Unis ou voilà, les États-Unis, je sais pas pourquoi, l'Europe, toute l'Europe déjà. Parce que là, pour l'instant, vous allez en France, c'est déjà bien. Vous allez dans tous les quatre coins de France. Les États-Unis c'est peut-être pas tellement le moment, mais après, certains artistes de là-bas qui sont pas très contents d'y être, alors non, en même temps ça se comprend. À terme, je pense que c'est le rêve un peu de tout musicien scénique, de pouvoir faire des tournées un peu partout en Europe, pas forcément en Europe et même dans le monde, en fait, pas forcément dans des grandes salles, hein, mais par exemple dans des salles assez entre 500 et 1000 places, qui sont quand même déjà des bonnes salles. Hein. Je parle pas des Zénith, par exemple, où voilà, qui sont quand même vraiment des trucs de fou. Mais déjà, rien que faire ça, c'est super, parce que ça permet de rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, et de faire connaître notre musique et de partager, parce que c'est ça aussi, c'est un peu partager avec des gens dont on comprend pas la langue, de pouvoir partager des émotions quand même. Et je pense que ça, c'est un peu le rêve de tout artiste qui fait de la scène et qui vit de la scène. Oui, en plus, la musique, c'est un langage international. C'est-à-dire que même si on n'a pas la même culture, il y a des trucs qu'on aime. Voilà, moi, j'imagine souvent, je dis, voilà, quelqu'un, les aborigènes en Australie, là-bas, ils font une musique. Ça n'a rien à voir avec notre culture à nous, mais ils font des trucs. Et on se dit, ouais, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être... Voilà, donc il y a ce partage dans la musique. Et puis, on arrive à communiquer par l'intermédiaire de quelques notes, de rythmes, etc. Donc ça, c'est important. Oui, c'est le seul... art, alors attention, qui permet ça sans, par exemple, enfin la peinture, des fois il faut des codes pour pouvoir la comprendre et la communiquer. En soi, la musique, c'est un peu intrinsèque à tout le monde. Moi, je me souviens, j'ai déjà joué avec des jazzmen londoniens, londoniennes d'ailleurs, parce que c'était que des femmes. Et j'ai pas tout compris de ce qu'elles me racontaient, mais en soi, juste avec la façon de jouer de la musique, on comprenait ce qu'elles voulaient dire. On se comprenait, et c'est quand même un peu la seule chose qui permet ça, qui est aussi universelle, parce que même la parole et même la langue des signes, c'est les différents entre chaque région du monde. Donc du coup, là au moins, ça permet une ouverture pour tout le monde, quoi. Et sans forcément savoir de connaître les codes. Ça aussi, c'est toujours l'écoute qui permet de pouvoir s'émanciper, de pouvoir parler, de pouvoir discuter. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein, mais... Oui. Tout pareil. Ouais. Après. On a eu le cas il y a pas très longtemps avec Axel de la Paix. C'est un rappeur, et nous, c'est vrai qu'on n'a pas la culture rock dans l'émission, moi et Didier, et c'est vrai qu'on s'est dit on va être un peu largué, il va nous parler de certaines références qu'on connaît pas, et finalement oui, il nous a parlé de certains trucs qu'on connaissait pas, mais aussi de choses qu'on connaissait, et on s'aperçoit que finalement on peut le transmettre culturellement. La culture, ça se transmet aussi, parce que si on a des amis, par exemple, que vous aimez le jazz, entre vous, déjà, le jazz, c'est quelque chose de commun. Par contre, il y en a un, par exemple, qui aime le métal et pas les autres. Peut-être qu'il va leur faire découvrir un groupe. Peut-être qu'il va leur faire écouter une fois, deux fois. Ils vont aller en concert. Et puis après, peut-être... voilà, ça se cultive aussi le... c'est de la culture, comme ça. Donc ça peut se transmettre, hein, avec les gens. Par exemple, les gens qui aiment le rock, ils sont regroupés, ils vont aller concerts de rock. Et si on commence à sortir avec eux, au bout d'un moment, on est un petit peu rentré dans ce contexte-là, et on finit par comprendre leur truc. Donc effectivement, il y a un côté instinctif. On aime ou on n'aime pas, mais il y a aussi quelque chose qu'on construit tout au long de sa vie. Et puis quand on a les bonnes références, ça nous permet aussi de comparer les évolutions, etc. Quoi. Donc, voilà. Mais bon, il y a toujours la musique. L'avantage, c'est que déjà, même si on n'y connaît rien, voilà, on a une émotion, on ressent quelque chose, et ça, c'est important. Très bien. Est-ce qu'il y a des groupes que vous voulez citer, que vous avez été voir en concert, par exemple, chacun d'entre vous? Ouais. Moi, je crois que j'ai eu le meilleur concert de toute ma vie. C'était... il y a 2 ans, c'est un groupe qui s'appelle Lawrence. Ils viennent des États-Unis. D'accord. Et en fait, ils ont joué à la Maroquinerie à Paris. Et c'est un groupe. Ils ont un gros niveau, quoi. C'est vraiment des bêtes de scène, c'est des monstres. Et moi, je m'attendais pas à pouvoir les voir un jour sur scène. Et ils ont fait 2 dates à Paris, dont celle-ci. Et c'était incroyable, quoi. Je crois que j'ai pleuré pendant tout le concert d'être là devant autant de technique, autant de prestance, des musiciens qui étaient aussi bons. Et ils sont venus pour... C'était 12 euros la place. Mmh. Je trouve ça incroyable quand on voit des gens qui font une musique qui est aussi travaillée, avec un vrai show, et qui proposent en fait un concert qui reste hyper accessible, parce que, par exemple, l'autre fois, je suis allée voir... Jamiroquai. Et là, j'ai payé 100 balles et je me suis emmerdée pendant tout le concert. D'accord. Ok, donc voilà. C'est vrai que des fois, on est un peu surpris. Hein, parce que des fois, on va à des concerts. Et il y a des musiciens qui font le choix aussi. Des musiciens qui remplissent des grandes salles, etc. Qui font plusieurs scènes au même endroit à chaque fois qu'ils passent. Et qui refusent d'augmenter les prix, parce qu'il y en a certains, il y en a qui n'aiment pas, on va pas les, il y a des groupes anglais là qui sont venus à Paris, c'était 500 balles la place, quoi. Ouais. Parce qu'ils faisaient une seule date, donc du coup, il y a que les gens qui sont aisés qui peuvent en profiter, ce qui est un petit peu dommage. La culture devrait être partagée par tous, et il y a certains groupes qui font le choix de faire des entrées qui sont à un prix raisonnable pour que tout le monde puisse venir les voir, quoi. même s'ils doivent faire deux ou trois concerts, ils viendront, ils feront trois concerts au lieu d'un seul, mais ils gagneront la même chose en trois concerts que l'autre en une, en un seul, mais ils sont font ce choix-là parce qu'ils ont envie de jouer devant des gens, ils ont envie de partager leur musique, et donc voilà, c'est comme ça. Mais bon, après chacun voit midi à sa porte, hein, mais bon, c'est sûr que quand il y a un groupe américain qui vient, par exemple, il fait une seule date à Paris, ben les gens qui vont le voir sont prêts à payer des sommes, et c'est pas forcément un meilleur groupe que, qu'un groupe français ou anglais ou qui vient de moins loin, qui fait payer moins cher, hein, voilà. Il y a même certaines personnes qui me racontent des fois, en parlant de groupes, je ne vais pas les citer, mais certains groupes qui sont connus, ils me disent, moi j'ai été les voir gratuitement. Ils ont joué là, à tel endroit. Mm. Ils ont joué gratuitement, ils n'avaient pas encore, ils n'étaient pas encore connus, mais c'est les mêmes, quoi. Finalement, ils ont évolué, bien sûr. Mais quelque part, ils avaient déjà leur truc et tout ça. Et au début, ben, ils ne demandaient pas forcément des grosses sommes, hein, pour jouer. Hein. Oui, voilà. C'est les boîtes de production derrière aussi. Hein. Oui, après. C'est pas forcément les, surtout à des très hauts niveaux, c'est plus forcément les musiciens qui voilà, mettent le prix des billets. C'est ça quoi. Aussi, ouais. C'est-à-dire que les musiciens, au début, c'est eux qui gèrent leur truc, et au bout d'un moment, ben, c'est pas que les musiciens, c'est une usine qui est derrière. Hein. Donc, il y a les rodises, il y a les gens qui font la com, il y a les gens qui, il y a tout, quoi, les ingénieurs, il y a tout ça. Donc, il y a beaucoup de monde, hein. On imagine, par exemple, Johnny Hallyday tout seul, mais quand on va à un spectacle de Johnny Hallyday, je pense qu'on s'en souvient toute sa vie, parce que bon, maintenant on pourra plus y aller, mais ceux qui ont été en voir, ils me disaient voilà, il y avait des flammes, il y avait des trucs, il y avait des feux d'artifice, il y avait des milliers rentrant en moto, il y avait, donc mais c'était pas Johnny tout seul, c'était une usine derrière, donc forcément il faut les payer tous ces gens-là aussi, donc voilà. Très bien. D'autres artistes encore, non? Non, mais c'est vrai qu'il y a, il y a même des artistes aussi qui font des concerts et qui pas payés. L'autre fois, Didier Super est passé à Tours. Il est passé au Batouir, et c'est vrai que le Batouir c'est un peu cher en fait. Je sais plus, c'était 15-20 euros l'entrée et bon, enfin, ça va en fait. Hein. C'est encore abordable. C'est vrai. Carrément. Et le lendemain, il a joué en fait. Il a joué pour tous les gens qui n'ont pas pu se permettre d'acheter la place. Il a joué sur le marché à côté de chez moi. Donc je l'ai vu et plein de gens ont eu l'occasion de le voir. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait aussi des artistes qui font ça. Très bien. Après, un autre groupe à citer. Qui nous ont un peu influencés aussi. On peut avoir The Main Squeeze ou Vulfpeck, qui sont des groupes de funk, de reprises aussi pour The Main Squeeze. Ils ont fait un peu de reprises, voilà. Mais voilà, c'est des musiciens, qui sont assez exceptionnels, à un niveau incroyable, qui ont une prestance scénique pour Vulfpeck qui est, enfin. On s'ennuie jamais à les entendre, à les voir. On se faisait la réflexion avec Willem il y a quelques temps sur un morceau où il y a très peu de choses finalement. Et en fait, il se passe tout. On s'ennuie jamais. C'est un riff qui est répété tout le long, mais avec des petits détails, ils arrivent à faire des variantes. Ouais, c'est impressionnant. Donc voilà, ça, c'est des groupes qui, pour moi, qui m'ont influencé sur ce qu'on fait. Ça fait partie de moi, mais de nous aussi, je pense. Ouais, parce qu'il y a une musique qu'on parle pas très souvent, c'est le funk, justement. Dans l'émission Mavrika, il y a peu de groupes qui nous parlent du funk, tout ça, mais quelque part, vous, je vois que vous aimez tout ce qui groove, la soul, bon, les musiques qui sont venues après, et le funk, aujourd'hui, ça reste une référence, ne serait-ce que pour les bassistes, parce que ils ont amené quelque chose de particulier au niveau du jeu de basse. Moi, c'est mon ADN, hein, le funk, je préfère le groove et tout ça. C'est-à-dire que la basse, qui était un musicien d'accompagnement qui était derrière, voilà. Là, on l'a mis en valeur parce qu'ils faisaient ils font de ces trucs de dingue. Je vois même que tu joues avec comment on appelle ça, du slap. Oui, ouais, tout à voilà, fait. Donc ça c'est une technique particulière qui vient du funk, dans le jazz aussi. Hein, dans le jazz, on arrive à le retrouver. Mais voilà, ce côté qui groove, voilà. Et puis le rythme, la mise en valeur de la basse, moi j'ai toujours trouvé ça super bien. Et vous qui êtes jeune, je suis un petit peu étonné parce que c'est vrai que c'est une musique qui a marqué peut-être plus à une époque, aujourd'hui qui est malheureusement un peu oubliée. Et pourtant, il y avait des grands groupes américains formidables dans les années 80. Ah oui, ben il y en a. En plus, il y en a toujours aussi. Il y en a toujours, oui. Mais je sais pas, moi, j'avoue que ça a toujours fait partie de mon écoute. Enfin, déjà, j'ai 81 ans sur le truc Spotify, là, sur l'âge d'écoute Spotify, donc je vous laisse imaginer ce que j'ai dans mon téléphone. Mais du coup, le funk, j'en écoute, en vrai, j'en écoute très souvent, pas forcément du pur Motown des fin 60, début 70, et tout ça, mais même des choses un peu plus modernes, ou alors plus bassistiques, comme Victor Wooten, Stanley Clark, Marcus Miller, voilà. Donc, bon, ça dépend. Ou Vulpec, parce que finalement Vulpec c'est aussi carrément de la funk, hein, dans la un plus moderne, mais c'en est, quoi. Et je pense que c'est pas une musique qui a disparu, qui fait partie un peu de l'ADN de beaucoup de jeunes instrumentistes, parce que c'est une musique qui est toujours très très tight, très enfin qui renvoie que du groove. Où, en fait, finalement, on peut, je pense à The Meters souvent dans ce truc là un peu funk, mais où il y a un riff qui se répète pendant 4 minutes, c'est la même chose vraiment pendant 4 minutes, mais c'est juste que c'est l'installation du groove tout au long de la musique qui fait bouger la tête et qui donne envie de réécouter toujours, quoi. Est-ce que les gens qui vont à vos concerts, justement, ont envie de danser? Vous voyez des gens bouger? Ou ils sont très statiques? Bon, après, ça dépend des régions de France, parce qu'on s'est dit, dans le centre, à Orléans, en tout cas, pour faire bouger les gens, on a un petit peu de mal. Dans d'autres endroits, les gens bougent plus facilement. Donc, est-ce que lors de vos concerts, vous êtes rendu compte qu'il y avait des gens qui bougeaient, qui... Notre release party, ça bougeait plutôt pas mal, ouais. Ah ouais, moi j'imagine, parce que c'est quand même c'est dansant, ce que vous faites, c'est dansant, et même si c'est pas du funk, ça reste la soul, et la soul, c'est quand même à l'origine la musique américaine où les gens dansaient. Puis on a des morceaux beaucoup plus funk qui sont pas du tout dans l'enregistrement, là, mais que, en fait, il y a beaucoup plus de morceaux qu'on fait en live. Et dans les deux nouveaux morceaux sont beaucoup plus dansants, je pense. Ouais, ouais, groove, funk, ouais. Carrément. Et puis un petit détail aussi, c'est que les gens chantent. Sur le morceau qu'on vient d'écouter, par exemple, donc Hey You, il y a une partie a cappella. Et on fait chanter les gens avec nous. Et là, c'était un sentiment incroyable à la release party, parce que on avait vraiment donc un bar qui est Les Misérables à Tours, qui était rempli, et tout le monde chantait avec nous sur ce petit passage. Et c'est un sentiment qui est incroyable, un sentiment d'unité qui est fou. Et dès la première seconde, on n'a pas eu le temps de la demander, quoi. Ouais, d'accord. C'est quand c'est spontané, c'est encore mieux, parce que il y a des fois, on voit des gens qui essaient de lancer un peu le public, et le public n'est pas réactif. Et quand ça vient spontanément, alors on dit que c'est magique, quoi. C'est des moments magiques, tout simplement. Des moments dorés, comme j'ai entendu, les moments dorés. Alors nous, dans l'émission Maverick, on appelle ça les moments magiques, c'est quand il y a du live. On a la chance, nous, d'être à la radio et de transmettre le son des lives qui se font ici en direct, hein. Même si techniquement on n'est pas au top, même si c'est pas une prise de son comme dans les studios d'enregistrement, on a quand même le côté spontané, le côté en direct live, quoi, le côté vivant. Et c'est ce qu'on aime. Et à chaque fois, nous, avec Didier, on a les poils quand on a les musiciens qui jouent là. C'est toujours un moment de plaisir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aller justement voir les gens en concert. Il faut les encourager, parce que les musiciens ont besoin de vous. Ils ont besoin qu'on aille justement les applaudir. Et donc, c'est pour ça que dans l'émission Maverica, on leur dit toujours, si vous loupez l'émission Maverica le vendredi soir, c'est parce que vous êtes au concert, vous êtes pardonné. Et de toute façon, on va remercier aussi notre ami Florent qui nous fait les podcasts. Et donc l'émission est enregistrée, et donc dans quelques temps, des fois ça peut être très rapide, il partagera donc le lien, et vous pouvez aller écouter l'émission si elle vous a plu, la réécouter si vous a plu vraiment, écoutez si vous l'avez loupé déjà, et puis vous pouvez même télécharger les fichiers pour la conserver si vous avez envie d'extraire des morceaux, des choses comme ça. Donc ça peut être très intéressant. Donc on remercie notre ami Florent de nous faire ce travail-là. Depuis, tiens, il nous fait déjà des petits pouces, c'est qu'il est à l'écoute. Ça nous fait plaisir. Voilà, il faut penser à lui aussi, parce que il nous fait un travail formidable depuis 10 ans déjà. Hein. Le temps passe très très vite. Voilà. Donc, j'ai posé pratiquement toutes les questions. Quelles seraient les deux couleurs qui illustreraient le mieux votre univers? Les couleurs rouge, vert, bleu, hein. C'est vraiment les couleurs. Hein. Bah, orange et bleu nuit, hein. Ouais, je pense. Ouais, aussi. C'est ça. Orange. Orange. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Orange Sunset. Moi je regarde souvent les pochettes, et effectivement, on retrouve un peu ça. Hein. Ouais, donc l'orange, voilà. Et d'ailleurs, je voulais parler, qui c'est qui vous a fait la pochette? C'est un dessinateur qui nous a été conseillé graphiste. Par une copine, graphiste, qui s'appelle Nils. Aussi. Illustrateur. Ah, les trois en même temps. D'accord. Mais voilà, oui, et c'est du coup, il a fait un super travail. Ouais, c'était des. Donc des... C'est bien de le citer, c'est pour ça, parce que je me suis dit, ouais, donc vous avez une belle couverture, c'est l'objet, c'est ce qu'on regarde. Donc dedans, il y a plusieurs illustrations, il y en a une, deux, trois. Et puis un fond. Et puis il y en a une où il y a une personne qui marche dans un couloir. Vous pouvez m'expliquer ça ou vous n'avez pas d'explication? Ah si. Si, si, ah, bah, justement. Du coup, sur la pochette, on voit une personne qui marche vers la lumière. Mmh. C'est un peu l'allégorie de la caverne. C'est une personne qui va vers la découverte, mais aussi vers la couleur. Il y a un côté aussi très ambigu avec les. On voit sur le côté, c'est. Des falaises ou des immeubles, on ne sait pas trop. On a un côté un peu jungle urbaine. Ça raconte l'histoire de quelqu'un qui apprend à vivre, hein, comme nous tous en ce bas monde. Et parce que c'est un peu ça, enfin c'est un peu ça, Hayu, c'est un peu un chemin de vie et on essaie de grandir dedans. Et je pense que ça se retranscrit plutôt bien sur la pochette. D'accord, très bien. En tout cas, il a bien su. Illustrer cette pochette donc de cet album qui contient 6 titres, on en a déjà écouté 4. Et ce que vous voulez, vous, c'est qu'on diffuse les deux derniers à la suite l'un de l'autre, c'est ça, hein? Tout à oui. fait. Voilà, donc pourquoi? Parce que le premier dure 2 minutes et quelques, et le deuxième il dure 5 minutes. Et ouais. C'est à l'origine, c'était le même morceau. À l'origine, ça va ensemble. Et ça va toujours oui. ensemble, c'est pour ça qu'il vaut mieux les écouter ensemble. D'accord, très bien. Donc, on va se les garder encore pour quelques temps. Est-ce que vous avez un sujet qu'on n'aurait pas abordé, que vous avez envie d'aborder? Pas spécialement. On avait dit ça off, il n'y a pas d'idée qui est revenue. Vous êtes à la radio, est-ce que vous avez envie de passer un petit message auprès des auditeurs? Bah, c'est de venir nous voir, tout simplement. Hein. De nous écouter sur les plateformes, de venir nous voir, de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook et Instagram. Dirty Kitten Band, voilà. Voilà, tout à fait. Oui. Si vous voulez pas voir des images de chats. Voilà, c'est de venir partager avec nous ce qu'on fait et ce qu'on a envie de dire, tout simplement. Oui. Oui, bon, c'est important, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, là, aller au concert, aller voir les gens, aller suivre les artistes. Et puis, parmi les gens qui viennent vous voir, il y a des nouvelles têtes. Est-ce qu'il y a des gens aussi qui vous suivent depuis toujours et qui continuent, des vrais fans? Je pense qu'il y a nos familles. Ils sont fans ou est-ce qu'au bout d'un moment, ils en ont un peu marre que vous fassiez la musique? Ils sont même à fond. Ils sont plus fans que nous, donc. Oui. D'accord. Ça, c'est bien d'être soutenu parce que des fois, il y a certains artistes, ils disent, voilà, nous, on fait de la musique, mais on a notre vie de famille à côté. Puis, voilà, la famille, il les remercie de les supporter parce que des fois, c'est pas évident de supporter. Vous, non, vous êtes vraiment dans des familles où les gens adorent la musique, et etc., quoi. Donc ça va. Ouais, ça va. Carrément. De toute façon, alors là, c'est pas le choix non plus. Là, c'est pas le choix. Donc c'est ça, vous nous aimez comme ça ou vous ne nous aimez pas. Voilà, c'est ça. Voilà, vous, la musique, ça va ensemble. Très bien, on va écouter un petit morceau et puis après on se retrouve encore pour discuter avant de découvrir le fameux morceau en deux parties. Moi j'ai envie de vous proposer d'écouter un groupe qui s'appelle The Wild, qui était chez nous il y a quelques temps, qu'on avait vu aussi en concert au Dropkick. C'est un groupe qui vient de Paris et c'est un duo. Ça s'appelle The Wild et le morceau que je vous propose d'écouter s'appelle That Girl Is Killing Me. On est comme ça dans l'émission Mavrika, on aime bien écouter les morceaux jusqu'au bout, on coupe pas les morceaux. Voilà, jusqu'à la dernière note, c'était The Wilds avec That Girl Is Killing Me, voilà, avec mon accent français. Voilà. Bon, ouais, voilà, on se refait pas. Hein. En même temps, donc, on est avec le groupe Dirty Kitten. Voilà, on a découvert tout leur univers. Je crois qu'on a quand même bien exploré votre univers. On a envie de vous connaître. Moi, j'ai envie de vous voir sur scène. Moi, maintenant, vous m'avez donné envie. On va rappeler peut-être les dates de concert, les prochaines, si alors, tu en souviens. Dans un premier temps, on a la tournée. Donc, on va avoir le 25 février à Limoges. Après, on va avoir Bordeaux, Dax et Toulouse dans la continuité. Et après, on reprend le 3 mars à Montpellier et le 4 mars à Marseille. Très bien, donc voilà, ça c'est enregistré. Et après, vous faites une résidence non, c'est... Alors, non, on va avoir une résidence la semaine prochaine. La semaine prochaine. Pour préparer cette tournée. On a aussi le tremplin Label Tramp, le 21 mars. Et après, on va sortir une live session, on va tourner une live session, en avril, donc qui sortira sûrement fin avril ou début mai. Mm-hmm. Ainsi qu'un enregistrement aussi, on a oublié de le dire tout à l'heure. Absolument. Un enregistrement en fait avec en partenariat avec l'école EMC à Paris. Voilà. D'accord. En mai, je crois. Ouais, tout à fait. C'est ça, 20 mai, précisément. Donc, l'école EMC, c'est quoi? C'est une école d'ingénieur du son. Voilà, c'est ce que... Parce que j'ai déjà entendu parler de certains artistes qui faisaient ça. C'est-à-dire que cette école-là, ils font des travaux pratiques et cherchent des groupes pour les enregistrer. Donc, ils sélectionnent quand même des groupes d'un bon niveau. Donc, c'est bien d'avoir été sélectionné. Et puis, eux, ils font leurs armes dessus. Donc, il faut savoir qu'ils sont pas tout seuls. Il y a aussi leurs professeurs, etc. Donc souvent, il en sort de très bons enregistrements. Ça, c'est bien de pouvoir profiter de ça. Ah oui, ça, c'est impeccable. Super, très bien. Je voulais savoir, là, vous êtes passé à la radio. Comment vous êtes perçu au niveau des autres médias? Est-ce que vous avez commencé à avoir des contacts avec des télévisions, des radios, des fanzines, la presse écrite? On a eu pas mal de retours sur ce premier EP. On a pas mal de médias, donc j'ai été aidé par un contact que j'ai sur Paris qui m'a passé lui aussi pas mal de contacts. Donc j'ai envoyé pas mal de mails pour avoir une retombée presse qui est assez importante pour nous, pour nous construire, pour faire découvrir aux gens ce qu'on fait. Donc on a eu au total 6 parutions dans des médias. Donc on va avoir Cité Radio qui est à Tours. On a Calidis qui est une radio aussi étudiante à Vichy. On a J-Média qui est un magazine à Bourges. On a Songazine qui est un assez gros magazine quand même, webzine pardon, sur Paris. Mavrika, on est très content d'être là, bien sûr. C'est vrai qu'on l'a pas plus, dit, mais en plus, là, vous aurez le diplôme à la fin de l'émission. Hein. Et on a On Fair On Air. Ah oui, absolument. En Belgique. D'accord. Ouais. Bah, c'est bien qu'il y ait plein de radios comme ça. C'est des radios qui sont connues localement. Hein. C'est vrai qu'elles sont peut-être pas connues au niveau national ou international, mais elles ont moins le mérite de recevoir des artistes, d'en parler, de les promouvoir, tout simplement. De les faire découvrir. Et la plupart des radios comme ça sont aussi des web radios. J'ai un petit clin d'œil à Didier parce que Radio Arc-en-Ciel, c'est une web radio, mais c'est d'abord une radio. Alors c'est vrai que par exemple RTL diffuse aussi, etc., les grandes radios périphériques, Europe 1 et compagnie, France Inter, sur Internet, mais il reste des radios. Les web radios, c'est ceux qui ne font que la web radio. Ils ne font pas d'autres radios. Et nous, on est une vraie radio. Donc on est fiers de ce côté-là. Donc la fréquence la plus ancienne de la région orléanaise, Radio Arc-en-Ciel, qui a fait ses 35 ans quand même. Et donc on est fiers d'être une vraie radio, et en plus on a cette chance de pouvoir être diffusé dans le monde entier. Les gens qui sont à l'étranger peuvent nous écouter. Donc si on peut faire la promotion des artistes de la région dans le monde entier, on sait jamais, il peut y avoir une étincelle, un truc comme ça, des gens qui demandent à ce que les groupes passent là-bas, et puis on peut faire pas mal de choses comme ça. Et grâce à la radio, il y a aussi pas mal de groupes qui se sont composés, parce que des fois, il y en avait certains qui cherchaient des musiciens, ils ont trouvé des musiciens, ils voulaient faire des concerts à droite à gauche, et des gens qui les ont écoutés, ils les ont fait jouer. Et donc, c'est important de passer dans les radios, les médias et tout ça. Et malheureusement, il y en a certaines radios qui devraient le faire, mais qui le font pas tellement. Donc, heureusement qu'il y a des radios associatives et des radios comme ça qui ont envie de partager leurs découvertes. Et Radio Arc-en-Ciel en fait partie et on est fiers de ça. Voilà. Autre chose à dire? Parce qu'on arrive à la fin, là. On commence à calculer. Donc, le podcast, il sera prêt dans la nuit. Notre ami Florent. Et Florent, prends ton temps. On n'est pas une journée près et on sera content de le réécouter même. Et prends ton temps. Dors, hein. Dors. En tout cas, on le remercie pour ce qu'il fait. On va remercier tous les auditeurs qui nous ont écoutés, tous les gens qui sont intervenus sur le Facebook, tous les gens qui, même ceux qui ont appelé tout à l'heure, parce qu'on a eu deux appels. Il y en a qui a été coupé, on ne sait pas pourquoi. Mais on va remercier quand même les gens qui s'intéressent à cette émission depuis pas mal de temps. On va remercier aussi Radio Arc-en-Ciel de nous permettre de faire cette émission depuis 16 ans, bientôt. Le 4 ou le 3 janvier, je sais pas, juin, ça fera 16 ans. Donc 674 émissions, voilà. Donc on remercie tous les gens qui nous suivent depuis tout ce temps-là et tous les artistes aussi, parce que moi j'ai besoin des artistes pour faire mes émissions, parce que sinon j'aurais pas des émissions aussi agréables avec des gens avec lesquels je partage des moments. Et puis j'espère vous retrouver très bientôt dans d'autres occasions, sur une scène ou un truc comme ça. Donc il y a pas de souci, ça permet de me faire découvrir et de faire découvrir aussi aux autres auditeurs votre musique. Ben avec plaisir, et un grand merci à toi et à Didier de nous accueillir ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, il a été très sage aujourd'hui, il a pas beaucoup parlé. Parce que d'habitude, il aime bien, mais bon. Bon, il a son émission maintenant, il peut parler beaucoup aussi dans son émission. Très bien. Donc, on va souhaiter aux auditeurs une très bonne soirée, une très bonne nuit, un très bon week-end, très bonne semaine. Et rendez-vous la semaine prochaine, donc, avec les Nightfall District. Bon, je recommence, j'ai rien dit là. Là, je recommence la semaine prochaine avec les Nightfall District. Voilà, c'est à peu près, c'est acceptable. Bon, ok. Donc, c'est un groupe qui vient de Lille. Vous les connaissez pas? Bah, ça sera l'occasion de les découvrir justement. Moi, ça va être mon cas. Donc, ils m'avaient déjà demandé depuis pas mal de semaines. Un peu comme vous m'avez dit, ouais, on aimerait bien passer dans l'émission. Donc vous êtes dans une liste d'attente, mais j'en ai plein qui sont en liste d'attente. Donc, mais un jour ça se fait, hein, voilà, et la date arrive, on se cale une date. Une fois que la date est calée, les gens viennent. Et sur 674 émissions, j'ai eu deux désistements. Les artistes sont contents de venir dans l'émission Mavrika. Et moi, je suis content de les recevoir. Donc, ça se passe très, très, très bien. Il y a juste deux fois. Une fois, ils ont oublié de venir. Et l'autre, fois, le groupe s'est séparé avant de venir dans l'émission. Donc, voilà. Sinon, la plupart du temps, les gens viennent avec beaucoup de plaisir. En tout cas, on n'a jamais maltraité aucun musicien. Je crois qu'aujourd'hui, ça n'échappe pas à la règle. Voilà. On va dire les phrases magiques. Que le rock'n'roll soit avec vous. Bon, aujourd'hui, on peut... Que la soul soit que avec la soul, que la musique en général, on dit le rock'n'roll. Que roll. La musique soit avec ça, nous. Ça, c'était le côté un peu Johnny Hallyday. Que la musique soit, que la bonne musique soit avec nous. Une vie sans musique serait une erreur. Et everything is gonna be alright. Voilà les phrases qu'on dit à chaque fois. Donc là, on arrive au moment de découvrir, donc, le dernier morceau qui est en deux parties qu'on va écouter à la suite. D'autres choses à rajouter qu'on n'a pas dit sur ce morceau-là? Donc c'est un morceau magique. Profitez. Qui s'appelle Why Should I? Why Should I? Voilà, yes. Super, oui. Très bien. On écoute tout de suite et donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci beaucoup aux Dirty Kitten qui sont nos invités et à très bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. À très bientôt. just us to be shy. They shouldn't dance all night long. And even the spring boys at home, they would pick themselves a home. Fashion. convites também e particularmente, e Tomás Araújo foi experimentado hoje na direita, ele já tinha dado provas que lá pode jogar, acredito que possa vir a ser uma opção também para encarar este Real Madrid. Do ponto de vista defensivo até oferece mais garantias do que este David, que tem crescido nesse aspecto, e que do ponto de vista ofensivo oferece bastante à equipa. É um jogador com criatividade, com critério, com velocidade, com capacidade de um para um e desequilíbrio, e portanto é uma baixa considerável, mas parece-me que o norueguês é mesmo, se calhar, a maior baixa a confirmar-se que não estará presente, não só por aquilo que pela versatilidade que eu salientava quando fizemos a análise, a prévia deste jogo, mas também porque é um jogador, é um maestro deste Benfica, não tanto com bola, mas muito no momento defensivo, equilibra muito a equipa, nota-se que é um jogador que vai